L'ORTF et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, La répétition ou l'amour puni, pièce de M. Jean Anouilh. Avec le concours de messieurs François Chaumette, héros, Bernard Dérand, tigre, le comte, Michel Etcheverry, M. Damien, Serge Maillat, le récitant, Jean-Noël Sissia, Villebosse, et de mademoiselle Hélène Perdrière, la comtesse, Bérangère Dautin, Hortensia, et Catherine Salvia, Lucille. Un salon. Entre la comtesse et Monsieur Damien, costume et perruque Louis XV. Monsieur Damien, je veux vous remercier de nous avoir prêté votre filleule. Vous obligez, madame, est le premier et le plus agréable de mes devoirs. Vous aviez besoin d'elle, il était tout naturel qu'elle vint à Fairbrook. Sans elle, que serions-nous devenus? Ma pauvre tante, la marquise, était l'esprit le plus chimérique qui fût. Cette idée de nous léguer Fairbrook, à condition que nous y passions un mois chaque printemps, c'était en somme assez touchant. Fairbrook est un désert où elle-même n'a jamais pu vivre plus de 8 jours. Elle passait tout l'hiver à Paris à soupirer après Fairbrook et l'été venu, elle courait autre part. Il faut dire que la pauvre femme était la proie de plusieurs grands médecins. Quand elle avait bu toutes ses eaux, quand elle s'était trempée dans toutes ses boues aux quatre coins de l'Europe, elle n'avait plus que le temps matériel de regagner Paris pour commander ses robes. La mort la délivrant des cures miraculeuses, elle a voulu que nous tenions ces serments. Délicate pensée. Oui, un mois à la campagne, pour peu qu'on y donne un bal ou deux. C'est vite passé. Le moyen, d'ailleurs, de refuser Fairbrook, c'est un bijou. Mais la clause du testament qui nous obligeait à élever 12 petits orphelins dans l'aile gauche, elle a dû bien rire en l'écrivant. Peut-être qu'un souci de charité chrétienne... Ma tante était nourrie de philosophes. C'était peut-être que par politesse qu'elle a voulu faire en mourant un petit geste pour le ciel. Et elle haïssait les enfants. Elle avait un valet de pied, souffre-douleur, le pauvre Jules, qui est mort 2 mois après elle, rongé par la tranquillité, chargé spécialement de la précéder dans tous les lieux publics pour les écarter de son chemin. C'est une phobie qu'elle avait prise depuis qu'elle avait reçu un diabolo sur la tête dans un jardin. Peut-être qu'une sorte de remords... Monsieur Damien, vous ne connaissiez pas ma tante. C'était une femme étonnante, incapable d'aucune sorte de remords. Non, je ne vois pour ma part qu'une seule explication à la création de cet orphelinat. Le désir de nous jouer un bon tour posthume au comte et à moi. Remarquez que Tigre a très bien pris la chose. Il adorait se disputer avec sa tante. C'est bien, s'est-il écrié quand le notaire eut achevé la lecture. Elle veut que ces 12 marmots nous cassent un mois par an les oreilles. Nous parerons la botte, ma chère. Nous prendrons 12 petits sourds-muets. Je suis sûre qu'entendant la riposte, ma tante a dû faire un tour sur elle-même dans le mausolée de la famille, à Passy. Et vous avez cependant renoncé au projet? J'ai cru entendre ces gamins en passant dans le parc tout à l'heure. Oui, le testament spécifiait malheureusement orphelin. Et le monde a beau déborder de misère, quand il s'agit de mettre la main sur 12 orphelins sourds-muets, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. Nous avons donc réuni 12 orphelins pourvus de solides cordes vocales et nous nous sommes réfugiés dans l'aile droite. Fairbrook est vaste, Dieu merci. Le problème n'était plus que d'organiser la grande fête de charité que nous avions décidé de donner, Tigre et moi, pour l'inauguration de l'orphelinat. Tigre est un homme merveilleux pour cela. Un des derniers hommes de notre temps qui ait compris qu'il fallait prendre la futilité au sérieux. En une nuit, il avait trouvé le thème du bal et celui de la fête. Je ne vous dis rien, c'est encore un secret. Il avait une idée par minute. Il a tué sous lui 2 tapissiers qu'on a dû aliter d'épuisement chez le concierge. Bref, tout allait bien. Le grand jour approchait lorsque, l'autre matin, coup de théâtre, les 12 orphelins nous tombent dessus. Nous les avions complètement oubliés. C'est alors que je vous ai envoyé ma dépêche et que vous avez eu la gentillesse de nous prêter votre filleule pour nous tirer de ce pas. Elle se plaît ici? Elle adore les enfants. C'est son métier, je crois. Oui, à la mort de sa mère, elle a dû prendre un état. Elle s'est orientée vers la puériculture. C'est une culture comme une autre. J'aime mieux mes rosiers. Ils ne piaillent pas. Avez-vous visité les serres de Fairbrook? Je n'ai jamais vu autant de merveilles réunies. Mais je n'ai rien vu depuis hier soir que je suis là. Je n'ai eu que le temps de me costumer et d'essayer de retenir mon rôle. Vous avez été si gentil d'accepter d'être de la pièce au pied levé. La défection inattendue de Gonto Biron, qui devait jouer Trivelin, avait plongé Tigre dans le désespoir. Je craignais le pire. Oh, vraiment? Vraiment. Il serait capable de se tuer, comme Vatel. Je suis heureux de lui épargner cette pénible obligation en assumant ce petit rôle. J'avais un joli talent d'amateur à 20 ans. Vous l'avez certainement gardé. Un homme de loi ne cesse jamais de jouer la comédie. Ou le drame, hélas, quelquefois. Il fallait aller au défunt Odéon pour trouver plus cabot qu'un procureur de la haute cour réclamant la mort de quelqu'un. Eh bien, répétons-nous. La pièce est de Marivaux, il ne peut pas être question de faire du texte. Où est votre filleule, monsieur Damien ? Il est tout de même abusif que ces 12 orphelins l'accaparent. Nous avons besoin d'elle, nous aussi. Elle surveillait leur coucher, elle devait nous rejoindre. Soyez bon, allez l'arracher aux griffes de ces 12 petits intrigants. Nous l'attendons pour commencer. Bien, monsieur le comte. Ma chère, tout s'annonce bien. La pièce pendant le dîner est une idée ravissante. Un personnage se lève de la table et il en interpelle un autre. Ils commencent à parler, on les écoute. On croit qu'ils ont effectivement quelque chose à se dire. Leur ton surprend un peu au début. Mais j'aurais eu soin, et vous aussi, à l'autre bout de la table, de donner à la conversation dès le début du repas un petit tour 18e pour rendre le passage insensible. Quand on commence à penser qu'ils parlent peut-être un peu trop, un autre personnage entre. Un valet qui les prend à partie. Stupeur d'abord, on trouve nos domestiques bien mal stylés, et puis on reconnaît la pièce, c'est trop tard, elle est commencée. Mais il n'y a pas ce moment d'effroi qui saisit toujours les gens du monde quand on les assoit sur des chaises en face d'une scène d'amateurs. Un seul point noir, ils parlent tous de Marivaux, la plupart ne l'ont jamais lu. Tant mieux, ils croiront que c'est de moi. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire trop de mal de ces gens-là, ils sont ineptes, c'est entendu. Mais on ne demande pas à notre classe de produire des génies, nous ne sommes pas assez nombreux pour nous offrir cela. Enfin, ils n'étaient pas moins bêtes au grand siècle, et c'est tout de même eux qui ont fait le succès de bons auteurs. Je crois que cette petite fille sera charmante dans Sylvia. Je trouve qu'elle manque d'éclat. Je me demande pourquoi vous allez tout bouleverser pour lui donner le rôle. Mais précisément, elle tranchera sur vos éclatantes amies. Elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. Ça nous changera de toutes ces belles personnes qui font feu de tout bois pour briller. Cela donne des flammes ravissantes tout un soir. Et puis quand on est seul avec elle, en rentrant, le feu est éteint. Et puis ils ne la connaissent pas. Et pour ces gens qui s'appellent tous par le diminutif de leur prénom, ce sera un détail des plus piquants de ne pouvoir dire qui elle est. Seriez-vous amoureux d'elle? Non, moi, pas du tout. Tant mieux, ce n'est pas une fille pour vous. Non, l'ennui, c'est le costume Louis XV et la perruque. Cela fait drager. De toute façon, il est trop tard maintenant. Il est trop tard. Mais je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose pour rendre le Louis XV drôle. J'avais pensé à imposer la barbe aux hommes. Ouais, mais c'était être original à bon marché. Ou bien faire un Louis XV 1900. Et Madame Barthet dans Adrienne le Couvreur. Il n'aurait jamais su, il ne faut pas leur en demander trop. Quel âge a-t-elle? 20 ans, tout juste. Et il faudrait que vous y pensiez avec moi. À quoi? Au costume Louis XV. Nous pouvons tout aussi bien sombrer dans le banal à cause de cela. J'en meurs d'angoisse. Il a ôté sa perruque et ses ventes. Et si nous demandions à nos amis de venir tous, sans perruque? Mais ce serait déjà mieux. D'autant plus que cette petite a une couleur de cheveux exceptionnelle, ce serait un crime de la poudrer. Moi, je la trouve laide. Moi aussi, je parlais de la couleur de ses cheveux. Vous savez que vous êtes libre, Tigre. Rendez-moi cette justice que je ne me suis jamais mêlée de vos affaires de cœur. Ne papillonnez pas trop autour d'elle, tout de même. Damien est l'homme d'affaires de ma famille depuis plus de 30 ans et je serais désolée qu'il eût à se plaindre de nous. Et pour qui me prenez-vous, ma chère? J'ai des défauts considérables, mais personne n'a encore mis en doute le fait que je sois un homme bien élevé. Avec ma chevalière et mon nom, c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui me reste en propre, si j'accepte Fairbrook et les 12 orphelins. Cela n'empêche rien. Je vous demande pardon, cela empêche beaucoup de choses. Mon père, qui était un homme parfait, a pris la peine de me mettre en garde sur ce point-là avant de mourir. J'étais bien jeune. Mais je n'ai jamais oublié son conseil. Le seul, d'ailleurs, qu'il ait trouvé à propos de me donner. C'était quelques heures avant sa mort. L'évêque attendait dans l'antichambre avec tout son clergé pour l'extrême onction. Il a demandé qu'on me fasse entrer, d'abord. « Mon garçon, m'a-t-il dit, je m'aperçois un peu tard que je ne me suis jamais occupé de vous. J'ai très peu de temps. Je plie bagage. Monseigneur m'attend à côté pour m'estampiller. Sur l'honneur, je vous fais confiance. Pour le reste, vous improviserez, cela n'a pas grande importance au fond. Un point cependant. Vous êtes jeune, vous allez avoir envie de vous distraire. Faites toujours ce qui vous fera plaisir, mais seulement avec des femmes de votre monde. Avec les autres, cela tourne toujours mal. On finit par épouser sa bonne ou une chanteuse, et c'est le bagne. Ou bien on fait des bâtards à une couturière, en grandissant, ils s'aigrissent et fomentent des révolutions. Des turpitudes, mon petit, soit, nous ne sommes pas des anges, mais entre soi. Maintenant, faites entrer l'évêque. Je vais lui vider mon sac afin qu'il puisse m'expédier. Il est temps. Mon père était un homme admirable. Je ne le voyais jamais. Et je me suis aperçu que je l'aimais de tout mon cœur. J'ai l'impression, Tigre, ce n'est pas un reproche, que vous lui avez en effet donné tout votre cœur et que vous n'en avez plus jamais disposé d'une parcelle. Depuis... Comme votre conversation est sombre aujourd'hui, ma chère. N'allons pas nous donner le ridicule de dramatiser tous les deux. D'ailleurs, vous savez que je vous aime beaucoup. Je n'ai jamais eu un sentiment de cœur pour personne que pour vous. Oh, ne le répétez pas, Hortensia, ça me ferait toute une histoire. Vous leur dites que vous les aimez d'amour à vos maîtresses? Il faut bien, les femmes sont tellement formalistes. Je crois bien que vous êtes la seule femme à qui je ne l'ai jamais dit. Parce que cela n'était pas. Quel grand cadeau. Attendez-vous que je vous remercie? Non, parce qu'il y avait entre nous autre chose, de délicat et de ravissant, qui me dispensait de vous mentir. Oh, secouons-nous, je vous prie, Eliane, nous allons pétifier dans un instant. Je n'ai d'autre ambition que de faire de ma vie une fête réussie. Et c'est autrement difficile, permettez-moi de vous le dire, que d'ennuyer tout le monde en se tapant sur la poitrine et de souffrir. Et d'ailleurs, je ne veux pas être indiscret, mais ma chère, vous avez Vilbos, si vous voulez jouer à ce petit jeu, Vilbos ou un autre, que sais-je. Le monde est plein d'hommes rugissants. Vilbos m'ennuie. Ah, moi, je le trouve charmant. Il est jeune, il est beau, il est toujours prêt à plonger de 3 mètres ou à traverser un cercle de feu à la demande. Enfin, n'allez pas me forcer à faire le panégyrique de cet individu, tout de même. Mais soyez courtois, cet individu est mon amant, mon cher Tigre. En brisant là, Eliane, nous sommes au bord de l'odieux. Il y a des conversations que je n'aime pas avoir. J'ai les idées larges, mais j'ai les mots étroits. Vous êtes libre, je suis libre, nous nous aimons beaucoup. Et nous avons à donner à nos amis une fête qui est une véritable gâchure dans ce désert, vous le savez. Il y a des choses infiniment plus graves, je vous prie de le croire, que nos petits débordements privés. Les gens ne se sont jamais ennuyés chez nous. Nous pouvons avec cette folie couler en un soir une réputation de 15 ans. Alors, vous pensez vraiment que c'est mieux sans perruque? Il n'y a pas de doute, vous avez raison, il y a quelque chose d'inachevé qui rend le Louis XV bon enfant. Je vais télégraphier le contre-ordre à tout le monde. Vous avez toujours raison. Je vous aime beaucoup. Le comte sort, entre Hortensia par une autre porte, elle est costumée elle aussi. Pardon, on m'avait dit que Tigre était avec vous. Il vient de sortir. Il ne pense qu'à cette fête. On ne le voit plus. Ma chère Hortensia, j'ai passé le temps que j'aimais Tigre à être jalouse de ses barres. Oh, je ne souffre pas outre mesure. Va-t-on répéter? Je ne me sens pas très sûre de moi. C'est bien la première fois que je vous l'entends dire. Jouer la comédie, ce n'est pas mon métier. C'est peut-être parce que le texte n'est pas de vous, pour une fois. Nous attendons cette petite qui joue Sylvia. Pourquoi Tigre a-t-il absolument tenu à lui donner le rôle? Elle est charmante. Je trouve qu'elle manque d'éclat. Détrempez-vous. Elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. Elle n'est pas comme ces éclatantes jeunes femmes qui font feu de tout bois pour briller. Cela donne des flammes ravissantes tout un soir. Et puis quand on est seul avec elle, paraît-il, le feu est éteint. Quel nouveau caprice de Tigre de décider qu'elle jouerait avec nous. Il est vrai qu'il a aussi donné un rôle à son valet de chambre. J'espère que la comédie jouée, il la renverra à l'office avec lui. Détrompez-vous encore, tel que je connais Tigre, pour peu qu'elle ait eu du succès dans la pièce, il la fera danser toute la nuit. Ce serait extrêmement déplaisant. Enfin, jusqu'ici, chez vous, c'était une des rares maisons où on avait la certitude d'être entre soi. Ma chère, Tigre s'est donné la peine, en 15 ans de vigilance attentive et d'efforts, de devenir l'arbitre incontesté de ce qui est de bon ton à Paris. S'il décide que la filleule de Monsieur Damien est une fille fréquentable, elle le sera. Mais c'est grotesque! Enfin, c'est une sorte de bonne d'enfant, ici. Mais si ces enfants étaient les nôtres, Tigre n'aurait probablement pas osé. Elle est ici pour diriger les petits orphelins de ma tante, et ils sont 12. Tigre a du génie pour exploiter les nuances. Et puis, j'aime mieux ne pas vous le cacher, je crois qu'il en mourrait d'envie. Il y a quelque aigreur dans vos propos, Eliane. Éloigne-moi toute trace d'aigreur, ma chère. Ou de dépit, votre liaison avec Tigre m'est tout à fait sympathique. Puisqu'aussi bien nous sommes libres l'un et l'autre, je me plais à reconnaître que vous êtes tout à fait la fille qui lui convenait. Il est très amoureux de vous, vous savez. C'est vrai. Il le dit. Reste à savoir si tout ce que dit Tigre est vrai. Voilà longtemps que j'ai renoncé à le vérifier. De toute façon, je vous jure bien qu'il ne dansera pas toute la nuit avec elle. Pas de scène. Ce serait le meilleur moyen de lui décider. Merci de vos bons conseils, Eliane. Mais je le connais assez bien, moi aussi. Votre robe est absolument ravissante. La vôtre vous va merveilleusement bien. Je ne savais pas à quel point je vous suis reconnaissante d'être belle. J'étais affreusement mortifiée que Tigre s'afficha avec n'importe qui. Tournez. Jaco a du génie. On pourra s'en ticher une saison d'un autre, on reviendra toujours à lui. C'est toujours Léonore qui vous habille. C'est bouleversant d'avoir réussi à faire du vrai Louis XV avec le petit drapé qu'on a justement lancé cette saison. Elle sera là? Qui? Léonore. Elle sera là, bien sûr. C'est une femme qui est reçue partout. Même chez Tigre. Surtout chez Tigre. Pourquoi surtout chez Tigre? Il est convenu depuis longtemps que Léonore, qui a été harpette, a une grosse situation mondaine. Il ne fait que suivre le mouvement. Tigre ne suit jamais un courant qu'il n'a pas créé lui-même. Il faut lui rendre cette justice. Je suis sûre que s'il ne s'y mêlait pas un sentiment personnel, il se serait montré tout à coup très pointilleux sur le cas Léonore. Non, je la reçois parce qu'il a eu envie d'elle. Et qu'elle lui a dit non. Il y a de cela 4 ans. Comme c'est gracieux à vous de m'avertir. Je le dis parce que c'est de l'histoire ancienne. Mais avoir résisté à Tigre, il faut croire, ma chère, que c'est un titre assez rare pour vous permettre d'être reçue partout. Eliane, vous perdez vos flèches. Tigre ou un autre, je suis décidée à ne jamais souffrir. C'est bien pour ça que je crois qu'il vous est très attaché. Et moi aussi. Chère petite Hortensia, au fond, on a si peu d'amis. Ah, voici Héros. Héros, je vous aime beaucoup dans ce costume. Je vais vous le dire, Eliane. Et répète-t-on, un Tigre est un tyran de nous faire costumer 3 jours d'avance. Je ne sais pas comment me tenir là-dedans. C'est bien pourquoi il veut que nous nous habituions. Il prétend que ce qui fait le froid des premières heures, dans la plupart des bals costumés, c'est que tout le monde se demande si sa culotte tient bien. Ma culotte tient bien, c'est mon gilet qui est trop étroit. Il m'a tout de même dit que nous serions dispensés de perruques. Oui, c'est le dernier caprice du tyran. C'est dommage, c'est ce que j'aimais le mieux. Je commence à perdre mes cheveux. Vous avez 37 ans, héros. Ouais, à 40, je serai chauve. Mon médecin m'a dit que je fais trop l'amour, je me suis brouillé avec lui. Parce qu'il a osé vous dire cela? Non, non, tout le monde sait à Paris que je suis la bête de somme de ces dames. C'est lui qui s'est brouillé avec moi. Il est barbu comme un prophète et chevelu comme Absalom. Quand il m'a dit que l'amour rendait chauve, je n'ai pas pu m'empêcher de lui éclater de rire au nez et de lui dire « Docteur, j'ai l'impression que vous ne devez pas vous amuser tous les jours. » Il a pris cela très mal. Le tout m'a coûté 2000 francs. On ne peut plus s'amuser tranquille. Il faut payer ces gens-là pour apprendre qu'on va en mourir. Il faut vous marier, héros. Si vous ne me trouvez pas une femme qui me fasse oublier toutes les autres, cela ne me fera jamais qu'une femme de plus à contenter. Mes forces n'y suffiront pas. Et quand bien même vous me rendriez amoureux, connaissez-vous une race de femmes qui calme la soif? Héros, vous faites le cynique et vous êtes l'homme le plus tendre du monde. Il n'y a qu'à vous regarder. Votre goût du paradoxe vous égare, Eliane. Ce beau regard profond, ce sont des yeux d'ivrogne. Et je suis tendre, c'est vrai, mais j'aime faire mal. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de vraiment méchant le dire. Je ne suis pas méchant, j'aime me casser. C'est un goût que les petits garçons perdent en grandissant, je l'ai gardé. Comme ferez-vous souffrir, héros? Je commence à m'impatienter. Et quand vous voudrez, ma chère, mais cela ne nous amusera ni l'un ni l'autre, nous nous ressemblons trop. Vous savez la nouvelle? Sûrement, nous savons toujours tout avant vous, mon cher Vilbos. Il paraît qu'on joue sans perruque. Nous allons tous être ridicules. Ne crois pas que la perruque aurait réussi à vous sauver, vile boss. Je peux me servir, Eliane ? Héros, nous allons répéter. Mon talent est au fond d'un verre, Eliane, vous le savez bien. Je ne sais plus lequel, malheureusement. C'est ce qui m'oblige à en vider tant. Ma chère, cet homme m'exaspère. Je ne souffrirai pas qu'il tourne autour de vous. Vous êtes ennuyeux, vile boss. Je n'ai pas pris un amant pour me faire faire des reproches que mon mari ne me fait pas. Mais Kir est un cynique, il ne vous aime pas. Moi, je vous aime. Je ne veux pas déclencher un esclandre sous votre toit, mais si ce triste petit fêtard se permet un geste, je le gifle, sous n'importe quel prétexte. Héros est capable de vous rendre votre gifle et de refuser de se battre. Je le ferai carencer. Il mourra de honte. Il n'osera plus se montrer nulle part. Je n'ai pas l'impression que c'est de honte que Héros mourra. Il y a longtemps qu'elle est bue, avec le reste. Vous le méprisez, au moins. Je ne sais pas. Mille diables, Eliane. J'ai besoin de savoir à l'instant même que vous le méprisez. Sinon, je fais ma valise et je ne parais pas dans la pièce. Si vous jouez ce méchant tour à tigre, je ne vous reverrai de ma vie. Les futilités de tigre sont le dernier de mes soucis. Il me remplacera comme il pourra. Je vous aime, Eliane, et je suis votre amant. Enfin, cela compte tout de même. Je commence à trouver que cela compte terriblement. Mon cher Vilbos, vous avez réussi cette chose extraordinaire de rendre le péché plus ennuyeux que la vertu. C'est bien. Je ferai semblant de ne pas savoir mon texte. Je lui compromettrai sa représentation. J'en ai assez d'être le seul ici à souffrir. Que dit Vilbos ? Il dit qu'il souffre. Oh, comme c'est intéressant. Hortensia, mon petit cœur de roc, venez voir ce gracieux phénomène naturel. Un homme qui souffre d'amour. Faut pas perdre une occasion de s'instruire. Monsieur, je ne vous parle pas. Entre Tigre, tenant Lucille par la main, suivi de Monsieur Damien. J'ai valeureusement arraché Sylvia aux 12 monstres. Oh, je saigne. Dès qu'il y en a un qui a tenté de me griffer. Hein? Bon. Nous allons pouvoir commencer, mes enfants. Nous sommes au complet. La double inconstance est une pièce terrible. Oh. Non, mais je vous supplie de ne pas l'oublier. Lucille et Vilbos. Sylvia et Arlequin s'aiment, sincèrement. Le prince désire Sylvia. Peut-être l'aime-t-il aussi. Pourquoi toujours refuser au prince le droit d'aimer aussi fort, aussi simplement qu'Arlequin? Tous les personnages de sa cour vont se conjurer pour détruire l'amour d'Arlequin et de Sylvia. Enlever Sylvia et Arlequin par la force pour le compte du prince ne serait rien. Ils vont faire en sorte que Sylvia aimera le prince et qu'Arlequin aimera Flaminia et qu'ils oublieront leur amour. C'est proprement l'histoire élégante et gracieuse d'un crime. Vilbos, Arlequin est tendre et bon, mais facile et gourmand et naïf. Flaminia et sa sœur sont si belles, elles sentent si bon. N'oubliez jamais que même lorsqu'il les repousse et pense tendrement à Sylvia, il les renifle. La bonne odeur de la soie sur la peau parfumée. Quel piège pour ce petit pauvre. Hortensia et Eliane. Flaminia et Lisette, sa sœur, sont dures, coquettes, joueuses, amusées. Le petit rustre doit sentir bon aussi pour ces deux belles dames blasées. Elles jouent, tire une griffe, la rentre, vient le désir comme une curiosité. Et en plus, c'est le service du prince. La grande loi de tout ce petit monde, alors pourquoi se refuser un plaisir d'un jour qui n'engage à rien? Elles sont d'ailleurs d'une autre race, elles le savent. Et Arlequin est comme un petit chien gentil qui s'ébroue drôlement et qui lèche. On se laisse lécher par le petit chien, par-dessus ses perles. C'est un jeu nouveau et cela n'empêche rien. Je les soupçonne d'avoir gardé leurs vrais amants en attente. Eliane et Hortensia, j'ai l'impression que je serai un petit garçon de vous indiquer quoi que ce soit. Vous allez nous faire cela très bien. Monsieur Damien, Trivelin est lourd, empressé, servile, et ravi comme un chien de meute de participer à la curée pour le compte du maître. Il a la livrée. Et c'est bon de s'amuser à berner ce petit paysan, ce petit paysan qu'il n'est plus, enfin, depuis qu'il a pris du service. N'alourdissons pas, mais il y a comme une joie secrète et basse, la vengeance du pauvre sur le pauvre là-dessous. Il en a vu d'autres, de plus humiliantes. Il faut qu'ils y passent aussi, ces deux petits-là. C'est la loi. Quant à Sylvia, que dire de Sylvia? Elle n'est pas romanesque. Elle est tendre. Elle n'est pas naïve. Elle est bonne. Elle n'est pas dure. Elle est nette. Les belles dames de la cour ni le prince ne l'éblouissent. Elle sait tout. Depuis toujours. Sans avoir jamais rien appris. Elle a la plus juste mesure du cœur. Dans ce petit univers frelaté, ricanant sous ses soies, ses cailloux précieux, ses aigrettes, elle est seule. Claire et nue sous sa petite robe de toile. Elle les regarde. Toute droite. et silencieuse, s'agiter, comploter autour d'elle. Et tout ce qui faisait la force et le plaisir du prince est entre ses mains soudain. Inutile. Sylvia est une petite âme inaccessible qui le regarde à mille lieues de lui et le trouble. Il y avait donc autre chose au monde que le plaisir. Et il ne le savait pas. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer le rôle, mademoiselle. Vous n'avez qu'à être... Je sais que j'ai tort de vous parler ainsi. Mais je suis au milieu de ma vie et je n'ai pas encore eu la force de me refuser un plaisir. Pardon. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Un peu de patience. J'apprendrai le vocabulaire aussi. Je ne sais d'ailleurs pas quelle conjuration de cagots et de vieilles filles a pu réussir en deux siècles à discréditer le mot plaisir. C'est un des mots les plus doux et les plus nobles de la langue. Je ne suis pas croyant, mais si je l'étais, je crois que je communierais avec plaisir. Bon, le mal et le bien aux origines, cela a dû être ce qui faisait plaisir ou non, tout bonnement. Toute la morale de ces cafards repose précisément sur ce petit mot fragile et léger qu'ils abhorrent. Et pourquoi l'amour ne serait-il pas d'abord ce qui fait plaisir au cœur? On a bien le temps de souffrir. La suite. En tout cas, c'est passionnant d'être amoureux d'une jeune fille muette. Cela vous entraîne au soliloque et à la méditation. On ne se parle jamais assez. On est pourtant son interlocuteur le plus attentif, le plus prompt à la repartie. Voilà des années que je ne m'étais pas adressé la parole. Et je me méconnaissais, je suis d'un commerce très agréable. Je m'aperçois que je dis les choses les plus justes et les plus inattendues. Comme on juge sur les apparences, trop vite, toujours. Je me découvre très tendre et très profond. Vous savez que nous sommes censés répéter notre scène et qu'ils écoutent aux portes très certainement. La muette parle. Comme c'est intéressant, une muette qui se met à parler. Et merveille, ce n'est pas pour me dire de me taire, c'est seulement pour me dire de parler moins fort. Si j'avais vraiment voulu vous faire taire depuis 8 jours que je suis ici, je l'aurais fait. Les filles ont de la ressource. J'aurais pu aussi vous laisser parler ou ne pas vous entendre. J'ai simplement peur qu'ils nous écoutent, c'est vrai. Pourquoi ne voulez-vous pas me voir autre part que dans ce salon au moment des répétitions? Quel jeu jouez-vous s'il est vrai que je ne vous ennuie pas? Aucun jeu, je vous l'assure. Quand j'aimerai un homme, à la minute où je le saurai, je ferai tout pour lui faire plaisir, comme vous dites. Et je serai tout de suite à lui, sans jeu. Je me demande quelle sorte de vertu ou de garantie sera tenue de vous apporter cet important personnage. Aucune. Je serai à lui s'il est pauvre, s'il fuit et qu'il ne sait même pas où coucher le soir, s'il a une femme et des enfants et qu'il n'a qu'une petite heure par semaine à me donner, dans un café. Vous vous environnez de mystères et vous êtes toutes les mêmes. Surtout s'il est pauvre, bien sûr, surtout s'il fuit. Quand on ne vous prend pas de force, il vous faut toujours un peu de pitié pour vous donner. Même s'il est riche et heureux? C'est exactement la même chose. Eh bien, je suis riche et heureux. Et je voudrais que vous m'aimiez. Les petits-enfants aussi demandent la lune. C'est mon métier, justement, de leur expliquer qu'on ne peut pas la voir si facilement. Vous croyez que je ne voudrais pas vous aimer, moi, vous ou un autre? Cela doit être si bon de tout donner. N'est-ce pas? Eh bien, cela se trouve bien, justement, je m'en dis. Nous devrions pouvoir nous arranger tous les deux. Mon pauvre monsieur, on ne donne qu'aux riches. Ah, expliquez-vous, j'étais dernier en histoire sainte. Je n'ai jamais très bien su débrouiller les paraboles. Le garçon qui m'aimera comme je veux n'aura pas besoin de me demander. Mais comment saurez-vous qu'il vous aime? Parce qu'il vous le dira, pauvre petit oiseau? Non, parce qu'il ne songera pas sans doute à me le dire. et surtout pas d'une façon amusante comme vous. Et qu'est-ce qu'il fera, ce cafard? Il vous parlera de la lune, il gémira, il se jettera à vos genoux en se donnant de grands coups de poing à l'endroit présumé du cœur. Il aura honte. Il se taira, j'imagine. Il évitera peut-être même mon regard. Ce sera une autre qui l'invitera à danser. Mais je saurai que c'est moi qui l'aime. Et c'est un peu compliqué comme règle, mais j'apprendrai. Je suis très douée pour tous les jeux. J'ai peur que celui-là ne s'imprenne pas. Moi, quand j'aime, je veux être aimable, je veux être drôle, je veux briller. Les coqs font bouffer leurs plumes, je pense que c'est un geste naturel. Je voudrais surtout que le garçon que j'aimerais ne sache pas dire ce qu'il fait quand il aime. J'espère bien qu'il sera aussi surpris que moi. Mais répétons plutôt, je vous en prie, nous bavardons, et nous ne serons jamais prêts. Ce serait terrible, n'est-ce pas, si nous ne savions pas nos rôles? Soit. Je vous remercie de me remettre aussi gentiment à ma place. Je suis un imbécile. J'ai été un garçon un peu trop gâté par le sort et j'ai d'assez mauvaises habitudes, c'est vrai. Oublions tout et répétons. Vous avez raison. Et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas? Un mot encore. Je suis un pauvre diable, c'est vrai. Et cela doit être merveilleux d'être simple et de tout donner. C'est une grâce que je n'ai pas reçue, voilà tout. Vous êtes une fille ravissante sous votre léger voile de brume pour qui sait voir. Depuis 8 jours que vous êtes ici, je me demande pourquoi. Je ne pense qu'à vous. Répétons, mademoiselle. Il pourrait nous entendre, en effet. J'ai été bien assez ridicule déjà ce soir. Il est inutile que la chose s'ébruite. Et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas? Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis important. Vous êtes gentil tout de même. Comment gentil? Vous êtes tout à fait ce petit jeune homme avec ses gants blancs, sa canne et son premier melon qui allait arpenter l'avenue du bois tous les matins. Comment veux-tu vous a dit, mais à l'époque de mon premier melon, vous vagissiez dans vos couches, ma petite fille? Ça ne fait rien. Je vous vois très bien. C'est difficile, n'est-ce pas, de grandir? Mais répétons, je vous en prie. Oh non, c'est déconcertant. Voilà, la première fois que vous me regardez gentiment, c'est pour m'inonder de pitié. Personne ne m'a jamais joué ce tour-là. Oui, j'ai eu un chapeau melon. Un peu trop jeune, peut-être. Mais c'était la mode à l'époque. Oui, j'ai été avenue du Bois faire les 100 pas tous les jours à midi. Mais j'habitais à côté et tous mes amis le faisaient. Je n'étais pas tellement ridicule, autant que je m'en souvienne. Enfin, les filles de votre âge, à cette époque, ne le trouvaient pas. Et je ne vois vraiment pas ce qui, dans mon attitude, a pu vous autoriser à me traiter de coq-bain. Ne vous fâchez pas! C'est plutôt bien d'être resté un vrai petit garçon. Mais je ne suis pas un petit garçon! J'ai fait la guerre! J'avais un canon, un vrai canon! On m'a donné la croix, comme aux enfants, c'est vrai, mais je ne l'apporte pas. Je donne depuis 15 ans les balles les plus réussies de Paris, des balles de grandes personnes. Je conduis une automobile, j'ai même couru, j'ai été un temps diplomate. Et si j'avais persévéré, mais je représenterais peut-être la France en ce moment quelque part, enfin je ne sais pas. Moi je suis un homme comme les autres, plutôt plus brillant que les autres, me dit-on. J'en ai assez d'écouter votre petite musique comme un gros serpent subjugué. Allez, répétons. Et quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas? Vous savez, ce que je dis, ça n'a pas trop d'importance. Si on se mettait à écouter les divagations des filles, on irait loin. Traitez-moi pour ce que je suis, je ne m'en offusquerai pas. Je ne vous écoute pas, je m'étonne simplement. Allons, répétons. Je suis absurde. Et c'est vous qui jouez le jeu. Quoi que vous disiez, et beaucoup plus spirituellement que moi. Je sais perdre. Cela fait partie aussi de mon excellente éducation. Mais n'allez pas vous en vanter. C'est tout ce que je vous demande. M'en vanter à qui? Je ne sais pas. À votre parrain, à une amie. Je ne parle jamais à mon parrain. Vous avez dû voir que les sentiments n'étaient pas très tendres entre nous. Et je n'ai pas d'amis. Bon, à vos 12 petits orphelins, peut-être. Oh, à eux, je le leur dirai, soyez sûrs. Je dois leur raconter tant d'histoires abracadabrantes pour les endormir tous les soirs. Et j'ai justement épuisé mon stock de contes de fées. Mais je transposerai. Cela se passera au Moyen Âge. Et d'ailleurs, ils ne comprennent jamais rien. Ils dorment avant. C'est bon, répétons. Et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas? Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis importun. Bon, importun. Je parlais de lui tout à l'heure. Vous parliez de moi. Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia? Oh, je disais bien des choses. Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. Je sais que vous êtes résolue à me refuser votre cœur, et c'est là savoir ce que vous pensez. Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez. Ne vous vantez pas tant. Mais dites-moi, vous êtes honnête homme. Je suis sûre que vous me direz la vérité. Vous savez comme je suis avec Arlequin. À présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien? Ferais-je mal? Là, conseillez-moi dans la bonne foi. Comme on n'est pas le maître de son cœur, si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami? Oui, Sylvia. En homme sincère. C'est mon avis aussi. J'ai décidé de même et je crois que nous avons raison tous les deux. Ainsi, je vous aimerai, s'il me plaît, sans qu'il ait le plus petit mot à dire. Je n'y gagne rien, car il ne vous plaît point. Ne vous mêlez pas de deviner. C'est cela, pardi, c'est tout simple, vous m'avez menti, vous aimez quelqu'un. Quelque petit jeune homme qui s'occupe aussi de puériculture et qui vous écrivait 4 grandes pages tous les soirs dans votre chambre. Je crois que vous ne dites plus le texte. Je vous pose une question. Répondez-moi, tout de suite. Ils vont entrer. Non, je n'aime personne, et je n'ai encore jamais aimé. Alors, cette dernière scène? Elle va fort bien. Nous trouvons que nous avons beaucoup de talent, tous les deux. Nous qui en avons moins, il faudrait peut-être que nous répétions, aussi. Eh bien, voulez-vous que nous reprenions toute la pièce? Monsieur Damien dit qu'il est encore incertain. Monsieur Damien a l'habitude du public, du temps qu'il était aux assises. Il a toujours arraché les larmes à qui il voulait. Il s'en tirera sûrement mieux que nous tous. Au revoir, j'étais bien jeune, madame, à l'époque. J'avais le trémolo moins honteux, et puis j'avais de grandes manches, et le texte était de mon cru. Ne vous faites pas plus modeste que vous n'êtes, monsieur Damien, par cabotinage. Pour vous faire entendre, encore une fois, je n'ai pas de crainte pour vous. D'ailleurs, nous n'avons plus le temps de revoir toute la pièce. Avant le dîner, nous la verrons ce soir. Alors, dans ce cas, reprenons le début du deuxième acte. Nous passons les tirades de Sylvia. Ma chère Hortensia, Hortensia. Oui. C'est pour vous que nous répétons. Je vous trouve un peu méchant dans votre scène avec Sylvia. C'est cousu de fil blanc, soyez charmante. Vous le pouvez. Il faut la duper, cette fille-là, ne l'oubliez pas. Si vous pensez que je ne peux pas tenir le rôle, mon petit tigre... Non, Hortensia, elle vous va comme un gant. Je ne vous demande qu'une nuance. Oh, ces comédiens sont des gens impossibles, décidément. Dès qu'ils ont ouvert la bouche, le son de leur propre voix les enchante comme la flûte d'un charmeur de serpent. Ils s'engourdissent de plaisir en s'entendant et ils croient, dur comme fer, que nous partageons leur extase. Le naturel, le vrai, celui du théâtre. Est la chose la moins naturelle du monde, ma chère. N'allez pas croire qu'il suffit de retrouver le ton de la vie. D'ailleurs, dans la vie, le texte est toujours si mauvais. Nous vivons dans un monde qui a complètement perdu l'usage du point-virgule. Nous parlons tous par phrases inachevées, avec 3 petits points sous-entendus, parce que nous ne trouvons jamais le mot juste. Et puis le naturel de la conversation que les comédiens prétendent retrouver, ces balbutiements, ces hoquets, ces hésitations, ces bavures, n'est vraiment pas la peine de réunir 500 ou 600 personnes dans une salle et de leur demander de l'argent pour leur en donner le spectacle. Ils adorent cela, je le sais, ils s'y reconnaissent. Il n'empêche qu'il faut écrire et jouer la comédie mieux qu'eux. C'est très joli, la vie, mais ça n'a pas de forme. L'art a pour objet de lui en donner une, précisément, et de faire, par tous les artifices possibles, plus vrai que le vrai. Mais je vous ennuie. Je commence à me prendre au sérieux, moi aussi. Bon, attaquons le 2. À vous, Sylvia. Oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi, vous voyez que je ne souffre que vous. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. Mais où est Arlequin? Il va venir. Il dîne encore. Erreur. Il ne dîne pas, il souffre. Et s'il a l'air de dîner, c'est qu'il remâche sa rancœur. Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne vous parlais pas. Ma patience a des bornes, sachez-le. Et Rose, sois sérieux pour une fois. Oh, impossible, mon cher, je ne suis pas encore ivre. Je serai sérieux un peu plus tard. Lucille. C'est quelque chose d'épouvantable que ce pays-ci. Je n'ai jamais vu de femmes si civiles, d'hommes si honnêtes. Ils ont des manières si douces, tant de révérences, tant de compliments, tant de signes d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde, qu'ils sont pleins de cœur et de conscience. Quelle erreur! Je passe? Oui, passez, vous dites cela fort bien. Ne valoir rien, tromper son prochain, lui manquer de parole, être fourbe et mentir. Voilà le désir des grandes personnes de ce maudit endroit-ci. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où sortent-ils? De quelle pâte sont-ils? De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia, que cela ne vous étonne pas. Ils s'imaginent que le mariage du prince ferait votre bonheur. Mais ne suis-je pas obligée d'être fidèle? N'est-ce pas mon désir d'honnête fille? Et quand on ne fait pas son devoir, est-on heureuse? Par-dessus le marché, cette fidélité n'est-elle pas mon charme? Je passe. Oh non, c'est trop joli. Continuez. Et on a le courage de me dire, là, fais un mauvais tour qui ne te rapportera que du mal. Perds ton plaisir et la bonne foi. Et parce que je ne veux pas, moi, on me trouve dégoûtée. Que voulez-vous? Ces gens-là pensent à leur façon et souhaiteraient que le prince fût content. Bien, Hortensia, bien. Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté? Quelle fantaisie d'en vouloir une qui ne veut pas de lui? Quel goût trouve-t-il à cela? Signalez-lui que le prince n'est pas un saint tigre. C'est Hortensia qu'il faut regarder. Car c'est un abus que tout ce qu'il fait. Tous ses concerts, ses comédies, et ses grands repas qui ressemblent à des noces, ses bijoux qu'il m'envoie. Tout cela lui coûte un argent infini. C'est un abîme, il se ruine. Demandez-moi ce qu'il y gagne. Quand il me donnerait toute la boutique d'un mercier, cela ne me ferait pas tant plaisir qu'un petit peloton qu'Arlequin m'a donné. Je n'en doute pas. Voilà ce que c'est l'amour. J'ai aimé de même et je me reconnais au peloton. Est-elle sincère en disant cela? Je sens que je parle faux. A-t-elle aimé vraiment? A-t-elle un jour préféré un petit peloton de laine à tous les bijoux du prince? Et vous, ma chère Hortensia? Oh, tigre, il ne s'agit pas de moi. Si c'est un jeu que vous jouez, il n'est pas drôle. Vous venez de nous dire que nous n'étions pas nous. Oh, pardon. Quand j'ai distribué la pièce, j'ai très bien su ce que je faisais. Vous l'avez parfaitement dit de votre réplique. Je l'ai donné sincère. Et comme vous n'avez jamais préféré le moindre peloton de laine à votre plaisir, en la donnant sincère, vous avez eu l'air abominablement fou. C'était parfait, c'est ce que je voulais, continuer. Vous jouez de nous comme de totons. Vous lasserez bientôt notre patience. Tous les metteurs en scène géniaux font ainsi. Encore heureux que je ne hurle pas, que je ne déchire pas les brochures. Il n'y a pas de mise en scène de génie sans crise de nerfs. L'insulte est la monnaie courante. Quelques très grands metteurs en scène vont jusqu'à la gifle. Et ne croyez pas que cela soit gratuit. Ça se sent toujours après quand on écoute la pièce. Si le maître a été vraiment viril. Une pièce mise en scène par un homme poli, il est bien rare que cela sente le génie. Enchaînez, Sylvia, enchaînez. Eh bien, qu'il tâche de m'oublier. Eh bien, qu'il tâche de m'oublier. Qu'il me renvoie. Qu'il voit d'autres filles. Il y en a ici qui ont leur amant, comme moi. Mais cela ne les empêche pas d'aimer tout le monde. J'ai bien vu que cela ne leur coûte rien. Mais pour moi, c'est impossible. Mais ma chère enfant, avons-nous rien ici qui vous vaille, qui approche de vous? Fort bien, le fiel sous le sourire. Vous avez dû travailler toute la nuit pour mettre cela au point, Hortensia. Oh que si! Il y en a de plus jolies que moi. Et quand elles seraient à moitié moins jolies, cela leur fait plus de profit qu'à moi d'être tout à fait belles. J'en vois ici de laides qui font si bien aller leur visage qu'on y est trompé. C'est Flaminia que vous regardez, ma petite fille. Je ne suis pas encore en scène. J'entre plus tard. Oui, mais le vôtre va tout seul. Et cela est charmant. Bon, moi, je ne parais rien. Je suis tout d'une pièce auprès d'elle. Je demeure là. Je ne vais ni ne viens. Au lieu qu'elle, je les vois toujours d'humeur joyeuse. Elles ont des yeux qui caressent tout le monde. Elles ont une mine hardie, une beauté libre qui ne se gêne point, qui est sans façon. Cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi qui n'ose regarder les gens et qui est confuse quand on la trouve belle. Je trouve qu'elle devrait le dire avec plus de modestie. Vous ne le pensez pas, tigre? Elle a l'air de vouloir attaquer à son tour. Mais elle attaque. Tout le monde commence à avoir envie qu'elle attaque. Enfin, mademoiselle est charmante. Nous le trouvons tous. Et je pense pour ma part que vous avez fort bien fait de lui donner le rôle. Mais enfin, je puis le dire devant elle, car elle a de l'esprit. Elle n'a pas un éclat qui justifie cette assurance de sa beauté qu'il y a dans le texte. Elle devrait dire cela plus simplement. Je ne suis pas de votre avis, je trouve qu'elle le dit fort bien. Continuez, Hortensia. Et voilà justement ce qui touche le prince. Voilà ce qu'il estime. C'est cette ingénuité, cette beauté simple. Ce sont ses grâces naturelles. Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d'ici, car elles ne vous louent guère. Qu'est-ce donc qu'elles disent? Des impertinences. Elles se moquent de vous, raillent le prince, lui demandent comment se porte sa beauté rustique. Y a-t-il de visage plus commun, disait l'autre jour, ces jalouses entre elles, de taille plus gauche? Là-dessus, l'une vous prenait par les yeux, l'autre par la bouche. Il n'y avait pas jusqu'aux hommes qui ne vous trouvaient pas trop jolie. J'étais dans une colère! Pardi! Voilà de vilains hommes, de trahir comme cela leur pensée pour plaire à ces sottes-là. Oh, qu'elle est drôle. Tu trouves pas qu'elle est drôle quand elle dit cela? Oh, j'adore ce petit personnage. Sans difficulté. Ne coupez pas toujours, tigre, c'est agaçant. Oh, pardon. Sans difficulté. Que je hais ces femmes-là. Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le prince m'aime et qu'il les laisse là? Oh, elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps. que c'est un caprice qui lui passera et qu'il s'en ira tout le premier. Dieu, que vous l'avez bien dit, celle-là, Hortensia. Vous y êtes, ma chère, vous y êtes. Vous n'avez qu'à vous laisser aller. Bon, laissons le reste et prenons mon entrée avec Eliane. C'est extrêmement important. Bon, alors venez, Eliane, n'est-ce pas ? Nous entrons. Voilà. Comment, vous voilà, monsieur ? Vous saviez donc bien que j'étais ici ? Oui, mademoiselle, je le savais. Mais vous m'avez dit de ne plus vous voir, et je n'aurais pas osé paraître sans madame, qui a souhaité que je l'accompagnasse, et qui a obtenu du prince l'honneur de vous faire la révérence. Je ne suis pas fâchée de vous revoir, et vous me trouvez bien triste. À l'égard de cette dame, je la remercie de la volonté qu'elle a de me faire une révérence. Je ne la mérite pas, mais qu'elle me la fasse, puisque c'est son désir. Je lui en rendrai une comme je pourrai. Elle m'excusera si je la fais mal. Oui, mamie, je vous excuserai de bon cœur. Je ne vous demande pas l'impossible. Je ne vous demande pas l'impossible. Quelle façon de parler ! Quel âge avez-vous, ma fille ? Je l'ai oublié, ma mère. Bon, elle se fâche, je pense. Mais et, madame, que signifie ce discours-là ? Sous le prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte ? Ce n'est pas mon dessein, mais enfin, j'avais la curiosité de voir cette petite fille qu'on aime tant, qui fait naître une si grande passion. Et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit rendre amusante. Priez-la de nous donner quelques traits de naïveté. Voyons son esprit. Et non, madame, ce n'est pas la peine. Il n'est pas si plaisant que le vôtre. Vous demandez du naïf, en voilà. Allez-vous-en, madame. Cela m'impatiente à la fin. Si elle ne s'en va pas, je m'en irai tout de bon. Vous me répondrez de votre procédé. Adieu. Un pareil objet me venge assez de celui qui en a fait le choix. Parfait. Scène 3. Assez, je suis fatiguée, tigre. J'aimerais avoir une conversation avec vous. Voulez-vous monter avec moi jusqu'à ma chambre ? C'est cela, arrêtons-nous un peu. Tigre trouve cela très drôle, j'en suis sûre. Nous, moins. Nous avons besoin de souffler, mon cher. C'est bon, repos. La répétition reprendra dans un quart d'heure. Hein ? Ah. Mon cher héros, les femmes n'entendent rien au théâtre. Sorties de leur propre représentation, cela ne les amuse plus. Elles devraient boire, cela rend tous les jeux gracieux. Et vous aussi, Vilbos. Un jour, je vous proposerai un jeu qui sera moins gracieux, monsieur. Eh bien, tigre, venez-vous. Oui, où vous retrouverez, Géliane? Je ne sais pas, vous m'ennuyez, Vilbos. Ils sont tous sortis. Reste Lucille, Damien et héros. Mademoiselle, vous tenez votre rôle à ravir. C'est un ivrogne qui vous parle, je buvais vos paroles. Vous reculez. Est-ce que je vous fais peur ? Non. Je sens l'alcool. Je vous dégoûte, sans doute. C'est bien ainsi, il faut que je dégoûte un peu. C'est dans mon rôle. Pas celui de la pièce de Marivaux, dans l'autre, celle que je joue vraiment. Elle est charmante, votre filleule, monsieur Damien. Mais si au lieu de m'appeler Hérode... Enfin, mon nom est trop long, je vous en fais grâce. Je m'appelais tout bonnement monsieur Damien. Je vous jure que je la ramènerai. Serment d'ivrogne. Il faut que je vous parle, Lucille. Je vous écoute. Vous êtes jeune. Vous ne savez pas grand-chose du monde ni de la vie. À la mort de votre pauvre mère, vous avez voulu travailler pour être indépendante et cela partait d'un bon sentiment. Quoique vous le saviez, vous n'y étiez pas obligée. Pas obligée ? Maman vivait de sa pension de veuve. À sa mort, que pouvait-il me rester d'autre à faire ? J'étais là. Vous êtes mon parrain, c'est vrai. Et vous avez été très bon de vous occuper de moi. Mais je ne voulais rien vous devoir. Pourquoi, Lucille ? Vous le savez. Cette offre que je vous ai faite vous a paru monstrueuse sur le coup. Dieu sait ce que rêve une petite fille de 18 ans. C'est pourquoi je vous ai laissé faire. J'ai voulu que la vie et le travail vous apprennent un peu la triste sagesse. Qu'ils vous montrent ce qu'ils ont en réalité à offrir. Je sais que ces 2 ans ont été très durs pour vous. Me suis-je plainte ? Oh, jamais, non. Car vous avez aussi beaucoup d'orgueil. Mais croyez-vous que c'est avec plaisir que je vous ai vu vous débattre dans vos fins de mois, avec votre petit chapeau sans foire à fistolet, vos gants toujours troués, vos bas sans âge. Vous êtes jolie, et je sais qu'à votre âge, on a envie d'être coquette. J'aurais voulu vous donner un peu de douceur. J'aurais aimé en recevoir, bien sûr, si vous croyez que je suis une héroïne, mais pas de vous. Vous n'avez personne au monde. J'avais bien ce droit, il me semble. Et même ce devoir. Vous savez que cette conversation m'est pénible. Ne la reprenons pas, je vous en prie. Pourquoi ne me permettez-vous pas de vous donner la sécurité dont vous avez besoin ? Ce n'est pas de sécurité qu'on a besoin à mon âge. Je ne parle pas de sécurité matérielle. Une affection sincère, des attentions, une protection aussi. Et contre qui pensiez-vous donc me protéger, si j'acceptais ce que vous m'avez proposé ? Contre les autres hommes qui pourraient me proposer la même chose que vous ? Contre d'autres hommes plus légers, qui n'ont pas l'amour et le respect que j'ai pour vous. N'avez-vous pas appris que je savais me défendre ? Contre moi, peut-être, qui ai eu l'honnêteté de vous dire ce que je vous offrais. Mais contre un autre plus jeune et plus brillant qui vous mentirait. S'il est plus jeune et plus brillant, de toute façon, cela sera moins triste, même si cela dure moins longtemps. Surtout si cela dure moins longtemps. L'ignominie, il vaut tout de même mieux que ce ne soit pas un projet d'avenir. Et du moins, ce plaisir d'un soir sera peut-être partagé. Je ne peux pas vous entendre parler avec ce cynisme. Je regrette maintenant de vous avoir introduite dans cette maison. Parce qu'on m'y déguise et qu'on m'y fait aussi jouer la comédie pour le même prix ? Dans ma condition, je sais qu'il faut accepter certaines choses. Et si c'est cela que vous souhaitiez que la vie m'apprenne, c'est fait. Ma petite fille, cet homme vous désire. Il n'aura de cesse qu'il ne soit arrivé à ses fins. Et tout le monde ici a vu son manège. Vous les avez observés tout à l'heure pendant cette répétition ? La comtesse est une femme de tête, elle lui passe ses maîtresses, comme il lui passe de son côté ses amants, pourvu que le jeu se joue dans leur monde, avec des cartes qu'elle connaît. Elle n'acceptera jamais qu'il vous courtise. Elle va vous abreuver d'humiliation, vous chasser. C'est cela qui vous fait si peur ? Que je perde ma place ? Je retournerai dans une autre maison d'enfants, voilà tout. Il y a une chose que vous ne savez pas. C'est comme on est riche quand on n'a rien à perdre. Vous ne pouvez pas être la maîtresse de cet homme. Je ne le serai pas, rassurez-vous. Mais pour d'autres raisons qui ne regardent que moi. Il se moque de vous. C'est un coureur. Excusez-moi, monsieur Damien. Je dois accaparer encore votre filleule. J'ai une scène à mettre au point avec elle avant la répétition de ce soir. Vous permettez ? Je vous la confie, monsieur le comte. La mettez justement en garde contre les tentations d'un milieu et d'une vie qui ne sont pas les siens. C'est charmant, cette idée de l'avoir mise de la comédie, et je vous remercie, ainsi que madame la comtesse, d'avoir la bonté de la traiter comme votre égale. Mais je ne voudrais pas qu'elle oublie qu'elle est là pour gagner sa vie, en somme, et garder des enfants. Mon cher Damien, j'espérais faire mon possible pour qu'elle l'oublie. Au contraire, ce n'est pas si drôle qu'il faille y penser tout le temps. Et si je dois veiller à quelque chose, c'est à ce que personne, ici, ne s'avise de le lui rappeler. Je compte apprendre à tout le monde. Si vous voulez bien vous charger vous-même de ce soin, alors je vous laisse, monsieur le comte, complètement rassuré. Chut. Ne dites rien. D'abord, je vous demande pardon. Je suis entouré depuis toujours de mufles de bonne compagnie. J'ai fini par m'y habituer, jusqu'à en devenir un, peut-être, moi aussi. Avant la représentation, il n'y a rien à faire. Une fête est une fête, et celle-là doit être donnée. Elles vont vous rendre la vie intenable. Mais je sais que vous êtes courageuse. Je sors d'une conversation avec ma femme. Et moi qui pensais tout savoir, je viens d'apprendre jusqu'où une femme d'esprit et de goût pouvait se laisser aller dans la sottise et la bassesse lorsqu'elle sent quelque chose de dangereux et d'insolite dans l'air. Parce qu'ils ont compris tous que je vous aimais et que ce n'était pas un caprice. Alors voilà ce que je vous propose. Ne dites rien avant que j'ai fini. Pensez bien que je n'accepterai jamais de continuer à mener mon heureuse petite vie de plaisir pendant que vous serez en train de moucher et de nettoyer des moutards, qui ne sont même pas les vôtres, quelque part dans ce vaste monde. Vous valez mieux que cela. Et mieux aussi que tout ce que j'ai à vous offrir personnellement. Mais... J'ai peu d'argent. Que cela vous mette à l'aise. Il y a belle lurette que j'ai croqué mes héritages. Mais en vendant les bribes qui me restent, je puis réaliser de quoi vous faire partir à l'étranger. Vous y reprendrez vos études interrompues, sans être obligé à ce travail imbécile. Vous serez libre. Et dans quelques années, ou dans quelques mois, je souhaite de tout mon cœur que vous trouviez le garçon de votre âge que vous méritez et qui bâtira une vraie vie avec vous. Je ne vous reverrai jamais. Je pense que l'argent vous gêne, mais c'est nécessaire. L'argent n'est rien pour les êtres libres, des jetons. Faut pas être trop petite bourgeoise avec lui. Et je vous demande bien humblement de partager ce qui me reste avec moi. Vous partirez le lendemain de la fête. C'est une proposition d'égoïste. Un égoïste qui ne vous a même pas tenu une fois dans ses bras. Et qui a beaucoup de peine. Acceptez-vous? Non, bien sûr. Je préfère rester maintenant. Mon petit. On est trop bien. Vous croyez que c'est cela qu'ils appellent la tendresse? Je croyais que cela ne venait que beaucoup plus tard. Je le croyais aussi. Nous avons dû faire vite. Nous avons bien fait. C'est le meilleur. J'ai peur. De quoi? De ne pas vous amuser longtemps. Je ne suis pas belle. Si. Pas comme Hortensia. Non, tant mieux. Je ne suis pas intelligente. Êtes-vous assez sotte pour vouloir me faire dire si? En tout cas, je suis incapable de dire quelque chose de drôle au bon moment. Je l'espère bien. Je suis pauvre. Ce n'est pas l'état qui est grave, c'est l'habitude. Je m'habille mal. Et si j'avais de l'argent pour m'habiller, je risquerais de m'habiller plus mal encore. Qu'est-ce qui me reste pour que vous m'aimiez une fois l'attrait de la nouveauté passée? De n'être pas belle comme les autres. D'être gauche. D'être pauvre. Et au lieu de griffes sanglantes alourdies de cailloux, d'avoir deux petites mains nues, aux ongles courts. Deux mains de vraies femmes. Si c'était le goût des bergères qui vous attire vers moi, j'aurais si honte que j'en mourrais. Pensez-vous que ce soit par hasard que tout au long des légendes, les princes prisonniers cherchaient si avidement une fille pauvre qui les délivre? Mais pensez-vous que cela leur fut facile? Le monde est plein de midinettes prêtes à adorer les princes, quels qu'ils soient. Tout le monde croira que c'est pour cela que je vous aime. Comptez qu'ils miseront là-dessus aussi, pour nous séparer. Le croirez-vous, vous? Non. Moi non plus. Alors, petite sotte, si nous ne le croyons ni l'un ni l'autre, qui est-ce, le monde? Vous me présenterez. C'est eux. Des comparses, de tout petits rôles dans la pièce que nous allons jouer tous les deux. Oui, Sylvia, je vous ai caché jusqu'ici mon rang pour essayer de ne devoir votre tendresse qu'à la mienne. Je ne voulais rien perdre du plaisir qu'elle pouvait me faire. À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur ou de refuser l'un et l'autre, bravo. Etc., bravo. Etc. Bravo, bravo, bravo. Je vois que vous êtes exact. Merci. J'espère que vous êtes reposé. Oh. Bon, si vous le voulez bien, avant de répéter encore une fois la pièce, nous allons nous occuper d'une chose capitale. Que les comédiens n'oublient jamais de régler la veille du général. Ils y passent le temps qu'il faut, le texte lui-même ne fut-il pas au point. Je veux parler de l'ordre des saluts pour les acclamations finales. Alors, je vous propose l'ordre suivant qui me paraît logique. Je donne la main à Lucille, Eliane à ma droite, puis Héros, Hortensia, Damien, oui. Damien de l'autre côté, et Vilbos. Ben où est Vilbos? On m'avait dit qu'on répétait sur la terrasse. Il est 4 heures. Répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Un instant, Vilbos. Pour le moment, nous faisons une chose encore plus importante au théâtre. Nous saluons. Hortensia est assise. La comtesse marche nerveusement en silence. Enfin, répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Vous nous ennuyez, Vilbos. Tigre a exigé que nous soyons habillés pour 4 heures, nous l'attendons. Enfin, qu'est-ce qui se passe depuis hier? On répète sans donner le ton, ou bien sur certaines répliques on en donne trop, tout à coup, comme si elles étaient chargées de sous-entendus qui m'échappent. Tout le monde ricane soudain, on ne sait pas pourquoi, tout le monde s'insulte, cette petite pleure, Tigre devient tout rouge et quitte la répétition. Aujourd'hui, nous sommes en retard d'une heure. Nous passons dans 3 jours, que diable! Et j'ai un rôle écrasant. Je ne tiens pas à être ridicule. Laissez-nous, Vilbos. J'ai à parler à Hortensia. Eliane, vous non plus, je ne vous comprends pas. Votre attitude avec moi est absolument déroutante. Enfin, que vous ai-je fait? Rien, absolument rien. Et c'est là le drame. Allez, laissez-nous. Mais je souffre, Eliane. Allez souffrir un moment dans le jardin, nous vous rappellerons. J'ai à parler à Hortensia. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu vous déplaire depuis hier. Mon pauvre ami, il n'est pas question de vous. Je vous demande de nous laisser un instant, c'est tout. Je vous laisse, mais je suis à bout. J'attends que vous me rappeliez sur la terrasse. Vous me devez une explication. Vous l'aurez. Nous l'aurons tous. Ma petite Hortensia, je ne vous comprends pas. Enfin, il courtise cette fille, il était pris d'elle. Cela crève les yeux. Il ne pense même plus à sa fête. Et c'est bien la première fois que je vois Tigre négliger un plaisir. Et vous restez là, sans rien faire. Je le trouve odieux. Il ne s'agit pas de le trouver odieux sans lever le petit doigt. Il s'agit de vous défendre. Enfin, si j'étais la maîtresse de Tigre, je ne me laisserais pas moquer de cette façon. Hortensia, vous me décevez. Vous savez comme moi qu'une scène entre nous n'arrangera rien. Vous ne voulez tout de même pas que ce soit moi qui la lui fasse. Je ne lui en ai pas fait pour vous, je n'ai aucune raison de lui en faire une pour cette fille. Laissons-le faire, il réussira à monter dans sa chambre ce soir et demain il n'y pensera plus. Vous êtes aveugle, Tigre n'est plus le même. Quelque chose a été touché en lui que rien n'avait atteint jusqu'ici. Je le regardais hier pendant le dîner. Il ressemblait à une petite photographie de lui qu'un camarade avait prise pendant la guerre, le matin de l'offensive allemande, ce petit garçon grave et parfaitement heureux, à côté de son canon. Je ne pensais pas qu'autre chose que la mort pouvait faire remonter ce visage-là du fond de lui. Vous l'observez mieux que moi, ma chère. Je trouvais qu'il avait l'air absent pendant le dîner, voilà tout. Et vous lui tolérez des absences ? Je n'ai jamais été la maîtresse de Tigre, mais je l'eusse été, que je vous jure bien, je ne l'eusse jamais laissé s'absenter. Vous avez déjà vu Tigre parler 10 minutes sans absence? Il commence une phrase, sa voix continue exactement pareil, ce qu'il dit est quelquefois très amusant, mais lui n'est plus là. Le Tigre est un distrait et un instable. J'ai toujours toléré ses petites escapades à Tigre. Qu'il sorte, soit, mais je demande à savoir avec qui. Je vous dis qu'il l'aime, Hortensia. Le Tigre ne peut pas aimer. Je vous dis qu'il est en train de la prendre. Faites ce que bon vous semble, moi je ne le tolérerai jamais. Enfin, les choses n'allaient plus, physiquement, entre vous. Vous me gênez, Eliane. Ma petite Hortensia, ce n'est pas l'heure de faire les mijaurées toutes les deux. Nous avons à nous défendre. Il était toujours très amoureux. Tigre est un amant merveilleux. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit. Mettons carte sur table, Hortensia. Je dois savoir si je peux compter sur vous. C'était une réussite entre vous sur ce plan-là? Chère Eliane, voulez-vous des détails? Oh, merci, cette activité de Tigre m'intéresse au même titre que sa passion pour le polo. Mais enfin, quand il revient de Bagatelle, je peux lui demander franchement si son cheval ne l'a pas déçu. Pour l'amour, je m'en tenais jusqu'ici aux conjectures. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir. Je crois que son cheval ne le déçoit pas. Bien. C'est important. Il n'a pas encore touché cette petite, elle est vierge. Cela se sent d'une lieue, vraisemblablement maladroite et sans disposition spéciale. Le trouble du cœur qu'il ressent, cela ne fait pas de doute, ne risque donc pas de s'étayer sur quelque chose de très positif. S'il fait une incursion dans l'aile gauche... Vous avez raison, il se peut qu'il nous en revienne subitement défrisé. Il hait maladivement tout ce qui est raté. Eliane, c'est moi qui vous trouve sommaire à mon tour. C'est assez, je vais agir avec ou sans vous. Non, avec moi, bien sûr, pour qui me prenez-vous? Vous pensez bien que je n'ai d'autres soucis pour l'instant que de reconquérir Tigre, quitte à le quitter le lendemain. Faites les deux, ma chère. Vous m'obligerez. Dans ces intervalles entre deux maîtresses, Tigre est un mari délicieux. Il éprouve généralement le besoin de m'emmener en voyage et de me faire une discrète cour, toute platonique d'ailleurs, mais je n'ai jamais été une affamée. J'en profiterai pour quitter Villebosse qui commence à m'ennuyer, ce sera divin. Ravie de participer dans la mesure de mes modestes moyens à votre voyage de noces. Comment allons-nous nous y prendre, Eliane? Chère petite Hortensia, que je vous embrasse encore. Mais dites-moi, si vous tenez au fond si peu à lui, vous n'allez pas me jouer le bon tour de le laisser se coiffer de cette petite? J'ai l'impression que je me suis un peu découverte en vous parlant. Chère Eliane, je serais bien sûr ravie de vous faire cette méchanceté. Je ne vous pardonnerai jamais d'être restée l'amie de Tigre pendant qu'il était mon amant. Mais mon amour-propre est le plus fort, rassurez-vous. Je ne peux pas permettre qu'il me quitte pour cette petite guenon. Je veux le quitter moi-même. Je vous réserve pour une autre occasion. Comme elle est gentille. Et qu'elle sent bon. C'est toujours plaisir d'une nuit. Autrefois, je trouvais que ça sentait le loukoum. Je m'y fais. C'est dommage. Quand je m'y serai tout à fait faite, Tigre ne l'empestera plus. Venez dans ma chambre, ma chère. J'ai une idée toute simple que je vais vous dire. Cette petite bécasse doit être bourrée de complexes et de dignité blessée. Je dis qu'on m'a volé un bijou. J'exige qu'on fouille les chambres de tout le personnel, la sienne comprise. Après, on trouve le bijou n'importe où, dans le gravier d'une allée ou dans le coussin d'un fauteuil. C'est un détail, mais cela peut suffire à la faire fuir. C'est fou, ma chère, ce que les pauvres peuvent être susceptibles. Elles sortent par une autre porte entre le comte et Héros. Répétons-nous ou ne répétons-nous pas, comme dit Villebosse. Je peux tenir dans mon gilet la durée de 3 actes, pas davantage. Heureusement que les pièces classiques sont courtes. Tu nous aurais fait donner un drame de Victor Hugo, j'explosais avant la fin, répandant mon foie comme des fleurs empoisonnées sur les convives. Quelle belle sortie pour un ivrogne. Héros, cela ne m'amuse plus. Tu n'aimes plus Marivaux ? Bon, bah, tu ne vas tout de même pas nous faire changer de pièce. Moi, j'étais ravi de mon rôle. Un seigneur. Que jouez-vous, cher héros ? Un seigneur. C'est discret et mystérieux. Il n'y avait pas trop de lignes à retenir. Cela ne m'amuse plus de m'amuser. Tu y as mis le temps. Tiens, bois donc, il y a 20 ans que j'ai compris. Cela ne m'amuserait pas d'être ivre. Et crois-tu qu'on s'enivre pour s'amuser ? Être ivrogne, ce n'est pas une sinécure. Si tu savais la tension et la persévérance qu'il faut, toujours à remplir des verres et à les vider. On vous prend pour un riche oisif, en fait, c'est un travail de plongeur. Tiens, j'ai une idée. Travail. C'est une mauvaise habitude qu'il faut avoir prise très jeune. Mais je crois d'ailleurs que ça ne m'amuserait pas non plus. Fais comme moi, fais l'amour. Change de femme. Ce n'est pas que cela soit drôle, mais cela entretient l'espoir. Je l'ai fait. Moins que toi, je l'ai fait. Alors je vais te dire, tout bien pesé, je crois que ce n'est pas une activité pour un homme. Tu deviens triste. Quel âge as-tu ? 1 an de plus que toi. Tu le sais depuis la 6e, où je suis entré avec 1 an de retard. C'était une scarlatine que nous devons notre amitié. Tu n'as tout de même pas le désir inavoué de te consacrer à quelque chose d'utile ? Certes non, je sais ce que cela veut dire, aussi. Ni celui de te mettre à gagner de l'argent. Avec la fortune d'Eliane, ce serait d'ailleurs immoral et de mauvais goût. Non, je veux l'argent. Oh, pas de grands mots. Méprise-le, c'est suffisant. Ben, il ne te reste plus qu'une issue, deviens neurasthénique. C'est un état. Tout ce que tu diras paraîtra profond. Et surtout, tes journées te suffiront à peine pour te soigner. Imagine, héros, qu'un jour, tout se mette en place autour de toi. Que tout devienne simple et paisible. Mais en même temps, inaccessible. Et j'imagine mal. Attends, je transpose. L'alcool m'est soudain recommandé par les médecins comme un élixir de longue vie, mais tous les bars que je connais sont fermés. C'est cela. Non. Il y a un bar d'ouvert. Un seul. Un pauvre petit café de province où tu n'aurais jamais eu l'idée d'entrer. Il n'y a pas de café où je n'ai jamais eu l'idée d'entrer. Mais ben, tu entres tout de même, par accident ou par surprise. Et le seuil passé, tu découvres que vivre, c'était au fond beaucoup plus simple, beaucoup plus grave, et bien meilleur que tu ne le pensais. Ces comparaisons prises dans la limonade sont obscures et d'un goût douteux. Et puis j'ai peur que cela me donne soif. Trêve de parabole, tu es amoureux. Oui. Bon, ce n'est pas grave, tu me l'as déjà dit 10 fois. C'est vrai. Alors, je ne suis pas amoureux. Tu aimes. Et tu me l'as dit déjà au moins 3 fois, dont 2 avec des larmes. Alors, c'est que cette fois, je n'aime pas. Parce que cela ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. Tu me dégoûtes. Pourquoi ? Je n'aime pas que tu aies ce visage-là. Je suis laid ? Non, tu es beau. Tu es redevenu beau. Pas comme elles aiment toutes, comme je sais seule que tu l'as été. Tu as le visage que tu avais à Sainte-Barbe avant le jour que nous avons sauté le mur à 15 ans pour aller dans une maison de femmes, tous les deux. Tu as le visage que tu avais quand nous revenions du football l'hiver, tout rouge, crotté, suant et heureux, et que nous nous moquions des filles ensemble. Le visage de cette nuit dans le dortoir où nous avons juré de nous aimer toujours, et où nous nous sommes tailladés le bras pour échanger notre sang avec un petit couteau rouillé. Ne me joue pas ce tour-là, tigre, je ne te le pardonnerai pas. Je ne supporterai pas que tu le redeviennes, toi, maintenant. Ce serait trop facile. Que je redevienne qui ? Tu m'as compris ! Excuse-moi, mon vieux, j'aime me casser. Tu es fou. Tu saignes. Prends mon mouchoir. Tu as le vin lugubre aujourd'hui. Le vin est toujours lugubre, apprends-le. Tiens, coupe-toi aussi et jurons. Jurons quoi ? Que nous sommes contents de nous, tous les deux, et que nous continuerons ensemble à nous amuser courageusement jusqu'au bout. Si Hortensia ne te plaît plus, prends-en une autre. Si tu manques d'argent, je t'en donnerai. Si tu veux oublier, je t'apprendrai à boire. Mais amuse-toi comme moi, je t'en supplie. Et ne prends plus ce visage-là. C'est le mien maintenant, qui puis-je ? Il faut choisir, Tigré, nous avons choisi. C'est trop tard. D'abord, cela me ferait de la peine, mon vieux, de te voir ridicule. Et beaucoup plus de peine encore de te voir heureux de cette façon-là. Tu ne m'as pas pardonné, Évangeline. N'est-ce pas ? Non. Mais ce n'était pas un mariage pour toi. Tu avais 18 ans, tu allais t'enterrer, tu... Je te demande pardon. Aujourd'hui, pour la première fois, je pense que j'ai peut-être eu tort de t'empêcher d'épouser cette jeune fille. Ce qui est fait est fait, et tu n'as pas eu tort. Nous nous sommes beaucoup amusés depuis tous les deux. Pas de remords. Entre mes 6 enfants, ma femme et mes chiens de chasse dans un petit château de province, j'aurais vraisemblablement fait la même fin. En moins brillant, voilà tout. On est ivrogne de père en fils chez nous comme d'autres sont tapissiers. Mais un conseil en vaut un autre. Laisse ce qu'ils appellent l'amour, ce n'est pas pour nous. Si tu m'aimes, tu devrais me souhaiter d'être heureux. Plus maintenant, pas comme cela. D'ailleurs, il ne faut pas nous faire d'illusions, ni l'un ni l'autre. Il y a 20 ans que nous ne nous aimons plus. Depuis nos premiers pantalons longs. Ça n'empêche pas d'être bons amis. Trinquons, tigre. Et amuse-toi comme tu voudras. Tu es libre, après tout. Mais pas de confidence. Ah, bonjour, Eliane. Bonjour, héros. Tigre, je suis très ennuyée et il faut que je vous parle. Mon émeraude a disparu. Demandez à votre femme de chambre de la chercher, ma chère. Pas à moi, j'ai horreur de cela. On cherche depuis ce matin. Je l'avais hier, ici même. Je l'avais laissée dans le vestibule où nous posons tous nos costumes car je trouvais que le verre n'allait pas avec ma robe. Je suis très ennuyée. Je crains l'indélicatesse de quelqu'un. Pas de roman, faites chercher encore dans le vestiaire. Bien entendu, mais si on ne la retrouve pas, je devrais avertir l'assurance. Ils enverront quelqu'un enquêter ici, ça sera odieux. Après le bal, ma chère, après le bal. Vous n'allez pas me forcer à costumer vos argousans Louis XV, dans l'espoir qu'ils passeront inaperçus. Après le bal, je vous dis. Je regrette, tigre, mais l'assurance doit être prévenue dans le délai d'un jour. Je vais chercher encore. Vous venez m'aider, héros. Ravi de me rendre utile, enfin. Voilà 37 ans que j'attends une occasion. Mais pas de roman, je vous en supplie. C'est bien ennuyeux, l'histoire de cette bague. C'est ennuyeux. Mais Eliane a assez de bijoux pour en perdre un de temps à autre. Après tout, il serait immoral que ce soit toujours les mêmes femmes qui les portent. Je suis sûre qu'Eliane prend l'aventure moins gaiement. C'est une pierre admirable. Elle a l'intention de faire fouiller les chambres de tout le personnel. Dans l'aile gauche. Si Eliane fait fouiller l'aile gauche, j'exige qu'on fouille aussi l'aile droite. Je perds ma montre, ma chère, et je la cache chez vous. Vous avez trouvé cette petite fable ensemble, mes compliments. Quelle fable, tigre ? Ma petite Hortensia, je vous ai aimé. Le mot est bien grand, mais il y a si peu de mots qu'il faut bien mettre plusieurs sentiments sous la même étiquette. Mes mains, en tout cas, vous ont aimé. À chacune de nos rencontres, j'ai eu une sorte de joie très pure. Oui, c'est drôle. Très pure. Et très proche du bonheur à vous toucher. Merci, tigre. Ne me remerciez pas, vous n'y êtes pour rien. Je vais vous faire un compliment, Hortensia. Le premier et le dernier, sans doute. Vous êtes très belle. Je ne parle pas de votre visage, il est charmant, je ne crois guère au visage. Mais votre corps est très beau. Et la beauté, la vraie, c'est quelque chose de très grave. Si Dieu existe, ce doit être un peu lui. Mon Dieu ! Oui, un drôle de mot dans ma bouche. Moi, j'ai conscience d'être cocasse, croyez-le bien en le disant. Mais le souvenir du jour où je vous ai tenu pour la première fois dans mes bras est aussi clair, aussi éblouissant en moi qu'un souvenir de petit garçon. Mon premier palais avec mon père en Italie, la même blessure et le même bonheur. Eliane est une femme de tête, mais je tiens l'intelligence pour peu, c'est l'arme des pauvres. Laissez l'intelligence mener son vilain petit jeu toute seule, se débattre comme une marchande. Vous, tenez-vous. Soyez digne de la beauté. C'est une grande dame. Ce doit être un jeu nouveau, tigre. Mais vous ne m'aviez pas habitué à tant de gravité dans vos propos. Vous me faites peur. Moi aussi, un peu. Croyez que cela m'amuse de naviguer à ces profondeurs. Si je ne suis pas entraîné, je m'attends à manquer d'air d'un moment à l'autre. Tigre, cette fille est à peine jolie. Mais elle est fine et souple, mais elle ne sait même pas se tenir. Elle vous fera honte dans sa petite robe d'institutrice, la première fois que vous entrerez avec elle quelque part. Mais si vous essayez de la déguiser, elle vous fera bien plus honte encore. Je vous connais. Je suis assez bête pour avoir honte, c'est vrai. Mais cela n'a aucune importance. Vous êtes d'une autre race, tigre. La tête, le cœur font mille bêtises. Les mains se trompent rarement. Je suis sûre que vous me désirez encore. Bien sûr, je suis capable de tout. Seulement je l'aime. Voilà. Enfin, c'est ridicule, tigre. Elle est le contraire de ce que vous pouvez aimer. Le contraire, exactement. Et je l'aime. Croyez-vous que c'est comique? Oh, c'est trop bête. Oh, c'est vraiment trop bête. Pardonnez-moi, je vous jure que c'est trop bête. Ah oui, oui, c'est bête. Cette aventure me rend effectivement bête. Mais c'est délicieux. Je n'en pouvais plus de ne l'avoir jamais été. Monsieur le comte. Madame la comtesse, qui vient de découvrir qu'il lui manque un bijou, fait faire par son intendant et son maître d'hôtel une fouille dans les chambres de l'aile gauche. Vous m'avez donné des assurances tout à l'heure sur le respect dont vous entendiez faire entourer ma filleule dans cette maison. Accepterez-vous que l'on fouille sa chambre? Certainement pas, monsieur. Suivez-moi. Nous allons mettre fin à cette mascarade. Enfin, répétons-nous ou ne répétons-nous pas? Voilà 2 heures que nous sommes habillés. Mais nous jouons, vile boss. Nous sommes en plein jeu. Vous ne vous en étiez pas encore aperçu? Ma parole, on se moque de moi ici. Monsieur. Monsieur. On se moque de moi dans cette maison. C'est bien possible. Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes à l'origine de toutes ces manœuvres déplaisantes. C'est également possible, monsieur. Que diriez-vous, monsieur, si j'exigeais de vous une réparation? Monsieur, j'aime casser, mais je ne répare jamais. Monsieur, c'est un refus. Je vous ferai carencer, monsieur. Je vous couvrirai de honte. Vil boss! Eliane, mon amour, vous semblez hors de vous. Je suis hors de moi. Tigre vient de me faire un affront insupportable. On m'a volé un bijou, et comme j'avais chargé Foucault et Jasmin de fouiller les chambres de l'aile gauche, il leur a interdit l'accès de la chambre de cette fille qu'il nous impose à tous ici depuis 8 jours. Il a exigé, si l'on entrait chez elle, que l'on fouille ma chambre d'abord. Il prétend que je n'ai pas perdu ce bijou, qu'il est caché. C'est insultant. Il a été de la dernière goujaterie je avec moi. Je ne le tolérerai pas, Eliane. Permettez-moi d'aller le provoquer. Mais vous ne comprendrez donc jamais rien à rien, vil boss. Avez-vous le dessein de m'exaspérer davantage? Il ne s'agit pas d'aller provoquer Tigre parce qu'il m'a manqué de respect. Je suis sa femme après tout, et c'est son droit. Il s'agit de lui faire comprendre qu'il me ridiculise à s'afficher avec cette petite institutrice de rien du tout. Enfin, vil boss, qu'il ait des maîtresses. Hortensia est mon amie et c'est une fille comme il faut. Mais qu'ira-t-on dire si mon mari se toque d'un pouls? S'il la ramène à Paris, vil boss, je ne sortirai pas de cet hiver. Positivement, je n'oserai pas me montrer. C'est inadmissible. Je vais y mettre ordre. Comptez sur moi, Eliane. Je viens vous apporter la clé de ma chambre, madame. Je veux qu'on la fouille comme les autres. Il se peut d'ailleurs qu'on y trouve ce bijou, et ainsi tout le monde serait rassuré. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ma petite fille. Ma femme de chambre cherche encore chez moi, avec mon mari. Il est possible, en effet, que j'ai rangé ce bijou autre part et que je l'ai oublié. Ce serait une bonne nouvelle. Oui, c'est toujours désagréable pour tout le monde. Les soupçons. Je vous demande bien pardon si vous avez été blessé. C'était d'ailleurs une mesure générale qui concernait tout le personnel. Vous venez sans doute me dire que vous renoncez à jouer dans la pièce. Et peut-être même que vous n'allez plus pouvoir vous occuper de ces enfants. Les pauvres petits, ils s'étaient déjà attachés à vous, me dit-on. Réfléchissez encore. Je suis sûre que cela va leur fendre le cœur. En tout cas, si votre décision était inébranlable, je pense que le mieux serait de faire aussi vite, aussi brutalement que possible. Il y a, je crois, un train dans une heure. La voiture pourrait vous mener à la gare dès que votre valise sera faite. Bien entendu, quoique la décision vienne de vous, je sais dans quel embarras vous êtes, je vous ferai régler 6 mois. Tigre, mademoiselle nous dit qu'elle nous quitte. Je suis désolée pour votre représentation, mais en 3 jours, nous trouverons quelqu'un. Je lui disais que pour les enfants, si sa décision était prise, il valait mieux partir très vite, sans les revoir. Il s'était beaucoup attaché à elle, déjà, comme nous tous. Mais il risque de manifester davantage leur chagrin. Voici votre émeraude, Eliane. Ah, ah. Quel bonheur! Où était-elle? Dans votre chambre, sous l'un des chandeliers. Vraiment? Quelle idée ai-je donc eue d'aller la cacher là? Je vais vous demander maintenant de faire des excuses à mademoiselle. Des excuses? Mon Dieu! Pourquoi? Mais très volontiers. Je suis navrée de mon étourderie, mademoiselle. J'espère que vous me la pardonnerez et que vous n'emporterez pas un trop mauvais souvenir de cette maison. Je pense que vous êtes d'accord, Tigre, pour que Foucault règle 6 mois à cette petite... Je sais bien que c'est un coup de tête d'elle, mais enfin, si je n'avais pas égaré ce bijou, elle n'aurait pas songé à nous quitter. Ma chère Eliane, vous savez que je n'ai pas pour habitude de laisser compromettre par des contretemps, quels qu'ils soient, une fête que j'ai décidé de donner. Nous ne pouvons ni décommander ni faire reprendre le rôle en 3 jours. Je vous prie de bien vouloir faire en sorte que mademoiselle revienne sur sa décision. Vraiment, je lui ai tout dit, Tigre. Elle est blessée, elle s'obstine. Je dois avouer que je la comprends. Je suis sûr que vous ne lui avez pas tout dit. J'exige cette petite réussite diplomatique de vous, Eliane, ou vous me décevrez beaucoup. Je vous laisse ensemble. Nous répéterons dans une demi-heure. Allons bon. Voilà qu'il faut que je vous convainque de rester maintenant, sous peine de me brouiller à mort avec Tigre. Avouez que c'est comique. Mais je suis une faible au fond et les caprices de Tigre sont ma loi. Vous êtes bien jeune encore. Quand le moment sera venu de choisir, ne tombez surtout pas amoureuse d'un homme léger, mademoiselle. Vous l'aimez ? Quelle question, mademoiselle ? C'est mon mari. Pensez-vous qu'il soit tellement heureux à s'amuser toujours ? Ma petite fille, ne comptez pas sur moi pour laisser notre entretien, puisqu'on exige que nous en ayons un, prendre ce ton-là. J'ai horreur de la familiarité et des questions personnelles. J'ai eu toute petite une gouvernante anglaise qui m'a appris à ne jamais en poser. Puisque c'est votre métier d'éduquer les enfants, tâchez donc de leur inculquer très vite que rien n'est plus mal élevé. Tigre m'a prié de vous demander de rester. Je vous le demande. Ce serait une maladie s'il devait renoncer à cette représentation. D'ailleurs, pourquoi partir ? La fête donnée, nous retournerons tout de suite à Paris pour la saison. Ainsi, tout rentrera dans l'ordre, n'est-ce pas ? Quittons-nous donc bonnes amies. Et encore une fois, pardonnez-moi ce petit incident. Tigre serait capable de me bouder une semaine entière s'il sentait que vous m'en teniez rigueur. Nous nous connaissons peu, au fond. Mais vous savez en quelle estime je tiens Monsieur Damien, votre parrain. J'ai parlé de vous avec lui ce matin. C'est un homme qui a une très grande affection pour vous. Oui, il me le dit. Quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, je crois. Il est depuis des années séparé de sa femme, n'est-ce pas ? Et elle ne semble pas lui avoir apporté, au cours de leur vie commune, tout leur réconfort qu'il pouvait en attendre. C'est un homme qui surprend par la sensibilité qu'il cache sous une apparence un peu austère. Il m'a très longuement parlé de vous. Vraiment ? Oui. Ma petite fille, je me suis agacée un peu vite, c'est vrai. Tigre me le répète chaque jour, les femmes sont des folles. Pour un peu de sotte jalousie, elles compromettent en une minute tout ce que leurs vertus ont pu leur gagner d'estime en 10 ans. Au fond, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Vous êtes si jeune, après tout. Si désarmée, avec votre air de tout savoir. Damien m'a dit que vous étiez fière et pauvre. C'est une grande qualité avec un bien grand défaut. Quand on est fine, jolie, intelligente et sans le sou, on est toujours un peu une déclassée. Il faut en prendre son parti. Monsieur Damien, qui est mon ami, et moi, nous nous faisions beaucoup de soucis pour vous ce matin. En somme, sa femme est aux mille diables en province. Elle est malade, plus âgée que lui. Elle ne vivra pas toujours. Damien a de l'honneur. C'est encore fort bel homme. Je me le rappelle il y a 15 ou 20 ans, quand il venait chez ma mère. Vous le dirais-je, ma chère, bien sûr, j'étais une gamine. Mais j'ai été amoureuse de lui tout un hiver. Enfin, pensez-y. Je vous parle comme une femme qui a vécu, qui est de beaucoup votre aînée, qui serait désolée, désolée vraiment, de vous voir gâcher votre belle jeunesse pour une folie sans lendemain. Quand on n'a pas d'état comme vous et qu'on est seul au monde, il faut d'abord penser à son avenir. Mon Dieu, je sais bien que ça n'est pas drôle. On a envie d'autre chose à 20 ans. Mais le monde est ainsi fait, ma chère, et nous n'y pouvons rien. Tenez, Damien nous a si longtemps et si fidèlement servi, et pour moi, ça serait bien entendu comme si vous deveniez sa femme. Cette émeraude, précisément, sera mon cadeau de mariage. C'est un trop beau cadeau pour la cérémonie que ce serait. Merci, madame. Vous avez tort. C'était de bon cœur. D'ailleurs, de cette façon ou d'une autre, je sais que je ne me marierai jamais. Je l'ai juré. Comment peut-on savoir cela à votre âge? Il y a longtemps que vous avez fait ce serment téméraire. Hier soir. Eh bien, dites à Tigre, du moins, quand vous le reverrez, que j'ai fait tout mon possible. Je le lui dirai. Merci, madame. Héros ! Oui ? Non, pas vous, vil boss ! Héros, montez tout de suite, je voudrais vous parler ! Oui ? Héros, oui. Il faut empêcher Tigre de faire une bêtise. Il aime cette petite, elle est sa maîtresse depuis hier. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. C'est ridicule et c'est fou. Je ne sais pas si vous l'observez depuis 8 jours. Je l'observe. C'est répugnant. Répugnant, je lui ai dit. Vous êtes avec moi, Héros. Faites quelque chose. Vous seul pouvez faire quelque chose, j'en suis sûr. Sur lui ? Tigré d'une gentillesse inaccessible. Sur elle, peut-être. Et que m'ordonnez-vous, Seigneur, présentement, de plaire à cette femme et d'être son amant? Vous le pouvez, Héros, si vous le voulez. Cette petite est une folle, une romanesque, une midinette, si ce n'est pis. Tout Paris sait que vous êtes irrésistible. Séduisez-la. Tant pis si nous jouons 8 blases, après tout, à 15 ans, nous aimions cela. Il n'y a qu'un obstacle, cette jeune fille ne fait pas partie du tout Paris, elle ne sait pas que je suis irrésistible. Cela m'enlève la moitié de mes chances. Sornette, dans 2 jours, Tigre ou vous, tout s'embrouillera dans sa tête, elle crèvera de vanité, tout comme une autre que les deux hommes les plus brillants de ce château ne s'occupent que d'elle, je les connais, ces saintes nitouches. J'étais comme ça avant que Tigre m'épouse. Les femmes sont des femmes, mon cher, toujours, même quand elles se donnent les gants d'être des anges. Je n'ai pas à vous dire comment vous y prendre, mon petit héros. Faites la boire un soir, jurez-lui que vous l'aimez, avec un peu de lune et de musique, cette bécasse le croira. Assez, du moins, pour vous céder ce soir-là, après. Tigre s'en détachera, ou s'il accepte le partage, il n'y aura plus vraiment aucun danger. Vous me faites beaucoup d'honneur, Eliane, d'être aussi sûre qu'on ne me résiste pas. Je vous dirais oui pour n'importe quelle femme, même ne faisant pas partie du tout Paris. Après tout, je suis un professionnel. Pour une jeune fille, non. Ce sont des animaux bien étranges et j'en ai fort peu approché. Mais je vous dis que ce n'est plus une jeune fille, elle est sa maîtresse. Depuis hier, elle gardera cet état de grâce encore quelque temps. Alors vous allez laisser Tigre s'en toquer tout à fait, s'abîmer dans leur ridicule. Il l'aime, Héros, il l'aime, j'en suis sûre. Ça vous est égal à vous, qu'il l'aime comme un petit garçon? Vous vous trompez, cela ne m'est pas égal. Vous avez peur de leur faire de la peine, de briser leur cœur, peut-être, à tous les deux? Non plus, je vous l'ai dit, j'aime casser. Héros, elle couche seule au bout de l'aile gauche. C'est peut-être incertain de la séduire. Admettons qu'elle l'aime vraiment. Le tigre peut intervenir et l'emmener, s'il l'aime aussi. Nous savons tous que vous êtes une brute. Vous la désirez comme un fou, cette fille. Vous avez bu, comme tous les soirs. Elle criera, bien sûr, mais que peut faire une petite fille avec ses griffes, ses coups de poing maladroits et ses larmes, contre le désir d'un homme, si elle l'aime? Elle fuira de honte le lendemain. Évangeline. Qu'est-ce que vous dites? Le nom d'une jeune fille, Madame Blumenstein. Vous avez dû la rencontrer, elle a épousé un banquier juif. Elle était très belle, elle n'a pas été très heureuse en ménage. Elle est morte il y a quelques années. Une mince jeune femme blonde, avec deux grands yeux ravissants, l'air d'une biche sacrifiée, je me la rappelle très bien. On me l'a présentée chez les Rothschild. Mais quel rapport? Un très vague et très lointain rapport. Je suis heureux que vous vous souveniez d'elle. Allons répéter maintenant, Eliane, on nous attend et il faut tout de même que cette pièce soit bien jouée, quoi qu'il arrive. Comme toutes les choses qui n'ont aucune importance, cela en a beaucoup. Son mari était un mufle, on a même dit qu'il la battait. J'ai une idée. Je vais faire envoyer un télégramme à Tigre. L'appeler au dehors ce soir. Gonto Biron me rendra ce service. Une petite chambre mansardée, devant un maigre feu de cheminée, Lucille rêve, vaguement éclairée par les flammes. La porte s'entr'ouvre, ses héros, encore en costume, le jabot un peu défait, une bouteille et deux verres dans les bras. Pas peur. Tigre vient de téléphoner qu'il ne pourra rentrer que très tard cette nuit. Il m'envoie vous le dire et vous tenir un peu compagnie. On peut s'asseoir? Oui. C'est curieux. Il y a tant de fauteuils inutiles dans ce château. On n'a pas dû prévoir les visites dans l'aile gauche. Vous vous mettrez sur le lit, mon ange, vous serez mieux. Un petit verre avec moi? Non. Vous avez tort. Vous permettez tout de même que je me serve. Au point où j'en suis, il me serait imprudent d'arrêter, je serais ivre tout d'un coup et je me conduirais mal. En buvant encore un peu, je recule l'échéance. Cela ne vous ennuie pas que je bavarde un moment avec vous? Quand les autres s'endorment, moi je commence seulement ma longue lutte solitaire jusqu'au petit matin où je le ferme enfin, l'œil. Quand vous êtes tous montés vous coucher, je me mets à penser et c'est abominable. Est-ce que vous voulez bien m'empêcher de penser à un moment? C'est d'ailleurs un ordre de Tigre. Il m'a dit « monte, lui dire que je ne rentrerai pas et tiens lui compagnie un moment. » Il avait dû espérer que vous me répondriez de temps en temps. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, moi. Quelque chose de gentil, que vous vous êtes trompé, que ce n'est pas Tigre que vous aimez, que c'est moi. Bon, bah alors dites-moi que vous aimez Tigre. Cela me fera moins de plaisir, bien sûr, mais cela sera tout de même mieux que rien. Je ne peux pas croire qu'il ait souhaité que nous parlions de ça tous les deux. Je ne peux pas croire qu'il vous ait parlé de moi. Oh. Enfin, vous ne connaissez pas les hommes, des commères, on se dit tout. Vous l'aimez? Oh, nous lancions déjà des boules puantes aux filles tous les deux quand vous ne songiez pas encore à venir au monde, cher bébé. Nous avons même mélangé notre sang en cinquième, une nuit, dans le dortoir, à la vie, à la mort. L'occasion de mourir l'un pour l'autre ne s'est pas présentée tout de suite, voilà tout. Et depuis, nous avons vécu. Et il a eu beaucoup de femmes, lui? Cher bébé. Non, il vous adore, c'est entendu. Il a découvert avec vous quelque chose qu'il ignorait complètement, mais avouez qu'il eût été imprudent de sa part et incertain de vous attendre. Que cela vous fait beaucoup de peine qu'il ait vécu? C'est mon secret. Gardez-le, mon ange, avec votre petit mouchoir par-dessus. Je m'intéresse assez peu personnellement aux confidences. C'est toujours à peu près la même chose. Cela ne soulage que celui qui les fait. Vous êtes jeune, vous débarquez au pays de l'amour. Vous devez avoir l'impression d'être une exploratrice, de découvrir des continents. Ne protestez pas, c'est très gentil. Vous apprendrez bien assez vite que la pièce ne comporte que deux ou trois rôles, deux ou trois situations, toujours les mêmes. On n'invente guère. Jusqu'aux vices, qui sont d'une banalité, d'une précision désespérante. C'est depuis hier que j'aime Tigre, et j'ai 20 ans. Alors votre petit discours avec moi, c'est du temps perdu. Touché. Compliment. Je vois que vous avez oublié d'être sotte. Vous n'aviez qu'une chose à répondre à mon désenchantement d'ivrogne et vous l'avez tout de suite trouvé. Quel chansard, ce tigre. Il aura réussi cela aussi. Il réussit tout, que ce soit au concours hippique ou en amour. Et qu'est-ce qu'il a réussi? De vous trouver. Tigre a tous les talents. Et je parie que vous étiez vierge comme pas une, que vous ne vous étiez jamais laissé toucher avant. Bah alors, bon, je la blesse. On est entre amis ou on ne l'est pas? Tenez, buvez donc un verre avec moi. S'il n'y a que moi qui bois, nous n'arriverons jamais à nous parler. Non, merci, monsieur. Non, merci, monsieur. Et bien poli avec ça. Je vous dis qu'il a trop de chance. C'est agaçant. Comment avez-vous pu vous donner à lui tout de suite, comme cela, pour la première fois? Après tout, vous ne le connaissiez pas hier. Non. Vous ne voulez rien me dire. Alors, je ne saurais jamais, même par oui dire, comment cela se déclenche, l'amour. Je n'avais jamais pu supporter qu'on me touche. Et quand il m'a prise dans ses bras, j'ai senti que j'étais enfin arrivée quelque part. Et s'il avait seulement voulu s'amuser de vous? C'est le risque des filles. Elles n'ont qu'à savoir. Il ne faut pas trop s'attendrir non plus sur les idiotes. Mais tout de même, je connais l'animal. Quand il veut se faire aimer, avouez qu'il en a presque trop fait pour se rendre intéressant. Un peu trop, oui. Mais je transposais. Et qu'avez-vous donc pu espérer à première vue de ce plaisantin, de ce saltimbanque distingué? Rien que d'être bien une minute dans ses bras, comme je l'ai été tout de suite. Même pas collante. Sacré tigre. Il aura coupé à tout ce qui est un peu vulgaire sur cette terre. Arrivé au milieu d'une vie de fête, fatigue, inutilité, vague à l'âme, monsieur lève un doigt, paraît un ange. Un ange qui se donne à lui tout de suite et pour toujours. Car vous, c'est pour toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Et s'il se tue cette nuit en rentrant en automobile, vous mourrez dans la journée de demain. Monsieur se sent porté à l'idylle, l'idylle, mais la voilà. Monsieur le comte, sur un plateau, elle est à vous, il suffisait d'en formuler le désir. Une jeune fille secrète, invisible, intouchable, soigneusement gardée pour vous, elle est là. Elle vous attendait. C'est vrai, je l'attendais. Il n'avait plus qu'à paraître, et c'est garanti sans tâche et éternel. Tout, il aura tout. Il va avoir 20 ans comme un rien et toute la candeur, tout l'avenir devant lui. S'offrir cela à 40 ans quand on commence à avoir assez bu. Ah non, c'est trop, je vous dis que c'est trop. Qu'est-ce que vous avez? Non, je veux dire que c'est trop beau, tout simplement. C'est un vrai conte de fées. Monsieur, nous avons bavardé un moment comme il le désirait. Vous feriez peut-être mieux de me laisser me coucher maintenant. Je dois me lever tôt demain pour les enfants. Mais nous ne devons pas bavarder 5 minutes. Asseyez-vous donc, mon petit. Donnez-moi encore un petit délai. De toute façon, je vous assure que je dormirai moins que vous. Vous voyez bien que je m'accroche et que je meurs d'angoisse de me retrouver seul. Ne seriez-vous pas charitable, mademoiselle? Pourquoi n'essayez-vous pas de boire moins? Pourquoi l'essayerais-je? Il faudrait que je rencontre un ange comme monsieur qui me mette l'aile sous le bras. Les anges sont rares. Vous le rencontrerez peut-être? Ce verre à la main? En qualité d'ange. Avouez que si c'était moi qui vous avais fait la cour, vous auriez probablement remis ma conversion à une date ultérieure. Encore une question indiscrète. Je suis un peu lourd, décidément. Mais pourtant, quand vous avez débarqué dans ce château il y a quelques jours, le premier soir, à table, si j'excepte Villebosse, tous les hommes présents n'ont regardé que vous. Cela veut dire quelque chose, tout de même. Tous les hommes? Comme elle est gentille, il s'en est même pas aperçu. Eh oui, ma chère, oui. Alors, qu'auriez-vous fait si c'était moi, au lieu de Tigre, qui vous avait dit « vous me plaisez » ? Mais lui, je l'aime, monsieur. Vous avez des réponses désarmantes. Que voulez-vous que j'ajoute? Rien. On ne peut pas s'amuser avec vous. Non, jouons le jeu 1 minute pour rire, pour tuer ce soir qui me fait peur. Bon, Tigre ne vous a pas parlé, vous n'aimez pas Tigre. Voilà 8 jours que je vous regarde en silence à table et ce soir, je suis monté sous un prétexte dans votre chambre pour vous dire comme lui que j'ai très envie de vous. C'est un jeu que je ne veux pas jouer, il serait laid. Comment pouvez-vous ne pas le comprendre? Vous êtes son ami. S'il apprenait que vous vous amusez ainsi ce soir, que penserait-il? Oh, vous pensez bien que nous nous sommes déjà soufflé quelques maîtresses, tous les deux, comme tous les bons amis. Et puis cela ne serait jamais qu'une revanche. Il y a eu un ange dans ma vie, mademoiselle, je mentais. Oui, il y a bien longtemps. J'avais 19 ans et j'avais encore très peu bu. Et il vous a... Non, il ne me l'a pas prise. Mais il me l'a fait quitter pour des prétextes que j'ai cru valables à l'époque. Elle a épousé un autre homme qui l'a rendue malheureuse et elle est morte maintenant. C'est à cet insignifiant épisode de courte fiançailles rompues que je dois d'être ce que je suis. C'est affreux. Oui, c'est affreux, comme vous dites. Mais Tigre me doit une jeune fille maintenant en échange. Et c'est pour cela que je suis dans votre chambre ce soir. Sortez ou je vais appeler. Il n'y a personne encore à l'étage. Et d'ailleurs, si c'est cela qui vous fait peur, rassurez-vous, je ne vous toucherai pas. Je veux seulement vous parler. Je l'aime. Je ne vous écouterai pas. Si, mon cœur. Je me boucherai les oreilles. Je crierai assez fort pour que vous m'entendiez. Et d'ailleurs, vous desserrerez vos mains de vous-même pour m'entendre. C'est trop bon les mots qui vous condamnent. On n'y résiste pas. Cela ne m'intéresse pas, vos complications de névrosé et d'ivrogne. Je suis jeune, je suis saine et je l'aime. Vous perdez votre temps et vous aurez honte demain de cette vilaine scène. Rentrez chez vous. Je n'ai jamais honte. Alors pourquoi vous acharnez depuis que vous êtes entrée dans cette chambre? Vous croyez que je n'ai pas compris ce qu'il y avait sous chacun de vos mots, même quand vous faisiez semblant de l'aimer et de vous attendrir sur moi? Pourquoi vous donnez tant de mal pour essayer de compromettre quelque chose qui est peut-être vrai et bon et qui ne demande qu'à vivre? Parce que vous le haïssez? Même pas. Pourquoi alors? J'aime me casser. Pauvre héros. Pauvre petit monstre. Vous ne me faites plus peur maintenant. Comme vous devez être malheureux avec ce poids sur votre dos. C'est mon affaire, mademoiselle, si je suis malheureux. Veuillez vous occuper de ce qui vous regarde. Cela me regarde. Vous essayez de me faire du mal en ce moment. Et j'ai seulement pitié. Je vous défends d'avoir pitié! Pauvre petite institutrice de rien du tout! Pauvre petite musaraigne à principe, à bon sentiment et à économie! Vous êtes ce que je hais le plus au monde! Ce que je trouve de plus niais et de plus bête! Et je vous défends! défends de me regarder comme ça? Vous savez où est Tigre ce soir, en fin de compte? Vous savez ce qu'il y avait sur ce télégramme qu'il a appelé brusquement? Vous savez de quelle commission il m'a chargé pour vous? Ce n'est pas vrai! Qu'est-ce qui n'est pas vrai, petite dinde? Je n'ai encore rien dit! Même pas de courage, alors? Allons, la petite crise de nerfs, la petite crise de nerfs, vite! Je ne parlerai que lorsque vous aurez fini. Je ne pleurerai pas. Bon, le mépris, j'aime mieux cela. J'ai horreur des larmes, c'est dégoûtant. C'est vrai que vous êtes très belle en ce moment, toute dure, toute crispée. Mais parlez donc, enfin! Ah, vous voyez qu'il vous tarde maintenant. Nous avons le temps. Tigre, ma chère, s'est aperçu trop tard qu'il avait fait une bêtise. Une bêtise grosse comme lui. S'il m'avait demandé conseil avant, je lui aurais dit de vous éviter cette peine. Vous étiez vierge, c'était votre petit capital, il n'aurait pas dû y toucher. Et puis, vous avez de la qualité. Qu'on fasse cela avec une petite chambrière passe. Si ce n'est pas vous, un jour ou l'autre, c'est le garçon d'étage qui se l'offrira. Et vous valez mieux, je le reconnais. Mais ne lui en veuillez pas trop tout de même. Il n'est pas méchant. C'est un tendre. Un tendre incurable, et il se monte un peu vite la tête, voilà tout. Ah, puis enfin, il a des excuses. T'es si gentil, un petit être neuf qui se blottit dans vos bras et qui vous dit qu'il vous aime, qu'il est à vous pour toujours. Toujours. C'est cette nuit, c'est tout de suite. Vous dirai-je toute la vérité, ma chère? Oui, oui, vous êtes assez forte maintenant. Et c'est cela qui a fait peur à Tigre. Il aurait préféré que vous lui demandiez une fourrure et un petit appartement gentiment meublé. Une petite amie dans une vie comme la sienne, cela se case. Un grand amour désintéressé, c'est hors de prix. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé lui-même? Pourquoi voulez-vous que cet aimable fêtard soit un héros? Vous lui avez prêté beaucoup de qualités imaginaires à ce gentil farceur, vous savez, ma petite. Pourquoi alors m'a-t-il dit qu'il m'aimait? L'émotion, l'entraînement, la contagion. L'amour se prend comme la grippe. Une certaine facilité de parole aussi. Non, vous êtes jeune, vous en verrez d'autres. Méfiez-vous des sentimentaux, ma biche, ce sont les pires. C'est tout ce qu'il vous a dit pour moi? Oh non, bien sûr, non, c'est un gentleman. D'abord un chèque. Oh. Non, que vous allez refuser, bien entendu. Là, j'en conviens avec vous, je le trouve lourd. Je n'en aurais même pas parlé, mais enfin, je ne suis qu'un commissionnaire. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit « Bavarde avec elle, tâche donc de la consoler. » Là, ma petite héroïne de carton, laissez-vous donc aller. C'est mieux, les larmes. Là, elle va le boire maintenant, son petit verre d'alcool, bien sagement. Et puis après, elle en boira un autre. Et puis un autre. Elle aura compris, elle aussi. Évangélie. Comme c'est laid, n'est-ce pas, de vivre? Cela piaffait d'impatience. Cela croyait tout et cela se trouve tout seul, tout d'un coup, avec la vie devant soi, comme un gouffre. Cela ne dit rien, cela se cache pour pleurer bien convenablement. Et puis cela épouse un vilain banquier présenté par la famille qui en a assez, elle, d'attendre. Une espèce de brute dans son lit le soir. Et la corvée tout le jour, couverte de bijoux, à parader pour lui. Alors cela pleure encore 2 ou 3 ans, en se cachant, bien modeste. Et puis un beau jour, quand c'est trop fatigué, cela meurt, voilà tout, sans rien dire. sans avoir laissé plus de traces sur la terre qu'un passage d'oiseau. Mon enfant. Mon tendre enfant. Mon pauvre petit enfant perdu. Dans le salon. C'est le matin. Vilbos est seul, costumé, furieux et décidé on ne sait encore à quoi. Le comte entre, achevant de mettre la veste de son costume Louis XV. Ah, vous êtes déjà là, Vilbos? Je suis en retard, je rentre au milieu de la nuit. Excusez-moi, mon cher, de vous avoir imposé à tous une répétition matinale, mais nous passons après-demain. Et cet après-midi, j'ai l'orchestre sur les bras, il faut que je règle la musique. Monsieur, je vous attends depuis une heure déjà. Il m'était impossible de vous parler hier seul à seul, et j'ai une grave conversation à avoir avec vous. Vous me semblez très gai, monsieur, et très heureux. Très gai, Vilbos, et très heureux, comme je ne l'ai jamais été. Vous avez de la chance. D'autres le sont moins, monsieur. D'autres souffrent. D'autres n'ont pas les mêmes motifs que vous de se réjouir. Mais je l'espère bien. Ce sont les motifs qui me sont très personnels, pour une fois. Jusqu'ici, j'avais eu la faiblesse de ne me divertir qu'en commun. Mais je m'aperçois que le bonheur est un exercice solitaire. Y aurait-il quelque allusion, monsieur, sous vos paroles? Depuis l'invention du langage, il y a toujours eu quelques allusions, Vilbos, sous les mots prononcés. On ne les a même inventés que pour cela. S'il y avait une allusion, monsieur, elle serait déplacée. Notre situation à tous deux est délicate. Ne l'oubliez jamais. Mon cher, elle ne m'a jamais empêché de dormir. Mais depuis ce matin, vous tombez mal. Je suis justement décidé à l'oublier complètement. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Que je suis ravi que vous soyez l'amant de ma femme. Je vous trouve un jeune homme extrêmement distingué. Sachez, monsieur, que je vous interdis de plaisanter avec l'honneur de la comtesse. Rentrez le mot, monsieur, rentrez! Vous m'en rendrez raison. Quel mot, monsieur? Celui que vous venez de prononcer, monsieur. Votre cynisme est une pose odieuse. Je ne souffrirai pas qu'il éclabousse un être qui a droit à notre respect à tous deux. La comtesse, monsieur, est au-dessus de tout soupçon. Mais diable, mais quel soupçon, Vilbos? Vous m'avez fort bien entendu, monsieur. N'essayez pas de me faire répéter une expression que je juge blessante. Si vous vous croyez autorisé à colporter partout que votre femme a une aventure, vous aurez affaire à moi, monsieur. Vilbos, vous êtes adorable. Je ne me lasse pas de vous entendre et de vous voir évoluer. Vous êtes l'homme le plus drôle que j'ai jamais connu. Je souffre, monsieur, tout simplement. Je suis insincère. Mais je le vois. J'aurais beau faire, je ne me ferai jamais à la corruption du petit monde frelaté où vous vivez. J'arrive de Carcassonne. Nous y sommes de petits hobereaux. La maison de ma famille a gardé ses fossés et son pont-levis depuis le XIIIe siècle. Nous n'en avons jamais bougé. Nous n'y avons jamais fait mettre le chauffage central. Nous n'y avons jamais badiné avec l'honneur des femmes. Rentrez le mot, monsieur. Quand j'ai su que j'aimais la comtesse, je suis venu vous proposer de nous battre à outrance. C'était clair. J'épousais la veuve ou je disparaissais. Vous aviez refusé. Je n'étais pas décidé à mourir ce jour-là. Ni à vous tuer non plus. Moi, je vous aime bien, Vilbos. Vous avez voulu cette situation compliquée et dégradante. J'ai voulu vivre. C'est toujours compliqué et dégradant. C'est fait maintenant. L'honneur et le bonheur de la comtesse me concernent personnellement. Alors voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne supporterai pas que vous trompiez votre femme, monsieur. Comment? Vous m'avez fort bien compris. Je n'accepterai pas que vous la ridiculisiez comme vous le faites avec n'importe qui. Vous tiendrez, monsieur, dorénavant. Vous vous tiendrez convenablement. Vous aurez affaire à moi. Qu'exigez-vous, Vilbos? La rupture immédiate avec cette jeune personne. Le retour au foyer conjugal. La comtesse consent à passer l'éponge, elle oubliera. Dois-je quitter aussi Hortensia? Elle la tolère. Ah, c'est une faiblesse de sa part. Elle a toujours eu pour vous des indulgences que je ne comprends pas. Veillez seulement à être discret, à lui marquer toujours plus d'attention qu'à cette dame, à lui donner le pas, toujours. Enfin, que diable! Il est étrange que ce soit à moi à vous le rappeler. C'est votre femme, monsieur! Je vous aime de plus en plus, Vilbos. Embrassez-moi. Non! Mais pourquoi? Je suis sûr qu'au fond, vous m'aimez bien aussi. Mais cela ne serait pas convenable. Gardons-nous distance, monsieur. Notre situation est trop délicate. Mais n'oubliez jamais que j'ai l'œil sur vous. Quand je pense, tigre, que vous avez réussi à nous faire lever à 10 heures. Mais c'est ravissant, cette aube. On a tort de ne pas se lever plus tôt. Quel délicieux matin. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, Eliane. J'aimerais vous dire deux mots. Vilbos. Chère Eliane. Voulez-vous vous rendre utile? Mais toujours. Courez dans toutes les chambres et ramenez les retardataires. Dans 10 minutes, il faut que nous répétions. Comptez sur moi, Eliane. Dans 10 minutes, tout le monde sera là. Je vous écoute. Je vais être bref. Mais vous êtes une femme d'esprit, Eliane, et je sais que vous comprendrez vite. Quel air grave. Oui. J'aime cette jeune fille. Bien. Nous avons vécu très intelligemment, tous les deux, Eliane, avec la même horreur du drame. Ce n'est pas qu'il nous faisait peur, mais il nous paraissait de mauvais goût. Vous m'avez passé mes maîtresses, je ne vous ai jamais demandé avec qui vous preniez le thé. Et étant donné ce qu'on fait ordinairement du mariage, le nôtre, en somme, a été délicieux. Merci, Tigre. Non, c'est moi qui vous remercie. Dans un monde où l'on vocifère, où l'on exhibe volontiers son sexe, nous avons vécu comme on danse, en musique, sur des pas réglés et avec grâce. Et tout cela ne vous séduit plus? Tout cela continuera à me paraître toujours la seule façon intelligente de vivre, d'échapper au désordre et à la vulgarité. Seulement... Seulement? Cette ligne de ma vie si gracieuse et si nette, depuis mon premier cotillon réussi jusqu'à ma présidence probable du jockey dans 20 ans, et à mes obsèques avec tout Paris en haute forme à la Madeleine, je viens de m'apercevoir que ce serait sans doute un joli souvenir pour les autres, un joli thème d'article pour le Figaro, et rien pour moi. Je ne savais pas pourquoi j'étais si gai toujours. Je m'ennuyais. Et c'est cette petite fille qui vous l'a fait comprendre, dans sa mansarde. Oui. Vous avez trop de goût, Eliane, je le sais, pour ne pas me dispenser de vous décrire mes sentiments. Je l'aime. Je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est tout bête, sans brio, sans grâce, sans drôlerie, sans rien de ce que je croyais aimer. Mais cela est... Est-ce si nouveau, Tigre? Je vous ai vu au bord du suicide deux ou trois fois parce que des filles vous résistaient. Oui, mon désir contrarié m'était insupportable. Il me fallait tout de suite ce que je voulais, très fort. Je n'ai même pas cette hâte, cette fois. Ma plus grande joie est d'être avec elle. Rien d'autre ne m'amuse plus. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous me demandiez d'attendre, Eliane, je pourrais attendre très longtemps, sans me lasser. Je ne vous prendrai pas au mot. Ce serait trop triste que vous perdiez cette belle confiance toute neuve en l'essayant. Vous savez que je ne vous ai jamais refusé de prendre un plaisir. Ma pauvre Eliane, mais nous parlons maintenant d'un monde à l'autre. C'est bien cela qui me fait peur. Il ne s'agit pas de prendre cette fois. Bon, de quoi s'agit-il donc ? De donner. Vous avez du temps, de l'argent en poche. Donnez, mon ami, donnez. Qui vous en empêche? Faites un petit voyage avec elle, achetez-lui des robes. Vous dites depuis 10 ans que vous voulez aller en Chine. Allez à Barbizon et cachez vos amours. Je dirai à nos amis que vous êtes à Pékin. Ma pauvre Eliane, c'est beaucoup plus loin que la Chine que je vais partir. Voilà 2 fois que vous dites ce mot dont j'ai horreur. Je ne suis pas votre pauvre Eliane. Tout ceci m'amuse beaucoup, au fond. Vous voulez notre séparation, Tigre? L'épouser? Pourquoi faire de la peine à votre oncle le Monseigneur avec un divorce? Mêler une nouvelle fois un officier d'état civil à nos affaires, cela me paraît tout à fait inutile. Elle ne vous l'a pas encore demandé, elle vous le demandera dans 8 jours. Ces petites personnes qui se donnent au premier venu dans des mansardes ont un très grand souci de respectabilité. Voilà la seule séparation que je crains entre nous, Eliane. Que votre colère et votre dépit ne vous fassent dire un mot malheureux. Je vous ai toujours estimé et admiré. Il y a déjà une émeraude entre nous. N'y rajoutez rien. Résumons-nous. Nous donnons cette fête tout de même et vous partez le lendemain pour tout le temps que vous aimerez cette petite, pour tout le temps qu'elle vous aimera. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et sans trop d'inquiétude. Amusez-vous bien, Tigre. Vous me raconterez au retour. Ma chère petite Hortensia, si bonne, si tendre, si confiante. Ah, les hommes ne valent pas cher. Je l'aime décidément beaucoup, votre parfum. Héros, mon petit héros, vous êtes tout sombre, héros. Vous n'avez pas été raisonnable, encore une fois. Héros, posez ce verre. Il est trop tôt pour boire. Il est affreusement ivre. Il ne peut même pas articuler un mot. Je vous défie de répéter avec lui. Quant à la jeune fille et à Damien, ils ne sont pas dans leur chambre. Tigre, vous seul pouvez les retrouver. Voulez-vous monter et la ramener? Oui, oui. Je m'excuse, madame la comtesse. Mais je vais être au regret de rendre mon rôle à monsieur le comte et de quitter le château. Que nous chantez-vous là, monsieur Damien? Nous passons après-demain. Ma fille, elle est partie au petit matin, seule, à pied, pour la gare. Et comment avez-vous su qu'elle était partie? Elle est peut-être au village. En montant la prendre dans sa chambre tout à l'heure, j'y ai trouvé cette lettre pour vous, monsieur le comte. Sur sa commode. Et une autre pour moi. Mais enfin, Damien, vous rêvez. Nous avons eu hier soir une conversation très amicale, toutes les deux. L'incident était tout à fait clos. Qu'est-ce qu'elle dit sur cette lettre? Vous avez raison. C'était impossible. Je suis parti, je ne vous reverrai jamais. C'est tout? Mais vraiment extraordinaire, Damien, vous qui la connaissez. Oh, madame, excusez-moi, mon train part dans quelques instants, je n'ai que le temps de rejoindre la gare. Sa lettre ne me dit rien d'autre, sinon sa détermination de ne pas me revoir non plus. Elle a été blessée, sans doute, et plus gravement que nous ne le supposons. Alors voilà partie, Dieu sait où, toute seule, avec sa blessure, sans appui, sans argent, sans rien. Mon Dieu, si au moins on lui avait fait régler ses 6 mois. Tigre, où courez-vous ? Prendre sa voiture, sans doute, et courir les routes. Mais quelle route ! Rattrapez-le donc, Damien, il vous déposera à la gare. Adieu, madame. Cette petite a dû prendre l'omnibus de 5 heures qui se dirige sur Alençon. Elle a déjà fait son changement là-bas. Tigre ne saura jamais pour quelle direction. Il n'a aucune chance de la retrouver. Elle peut se raviser, lui écrire. Ne le croyez pas maintenant, nous pouvons bien le dire. C'est une fille qui avait de la qualité. Son départ même le prouve. Elle l'aimait, certainement. C'est pourquoi il faut être sans inquiétude après ce qui s'est passé. Elle ne tentera plus jamais de le revoir. Mais que va faire Tigre ? Que vous êtes bonne, chère Hortensia. Décidément, il y a une faille chez vous. Il sera triste un mois ou deux et puis il recommencera à s'amuser d'ailleurs. Je le connais, c'est un homme qui a le plus grand sens du devoir mondain. Nos premiers invités seront là ce soir, pendant 2 jours. Si malheureux qu'il soit, il ne pourra penser qu'à sa fête. Venez, ma chère, allons déjeuner, tout cela creuse. Eliane, tu n'es pas déjeuné non plus. Monsieur. Monsieur ? Un instant, je vous prie. Je crois que vous êtes un fin tireur, monsieur. Que voulez-vous dire par là, monsieur ? Je me suis même laissé dire que vous aviez gagné plusieurs championnats importants au pistolet. C'est exact ? Eh bien, monsieur, je veux vous dire que vous n'êtes pas aimé comme vous pouvez le croire. Comment, monsieur ? On n'est jamais aimé comme on peut le croire, c'est une vérité générale. Mais pour vous, il y a une vérité plus particulière. Depuis hier soir, pour employer un mot qui me répugne, monsieur, vous êtes cocu. Vous êtes ivre, monsieur. Retirez le mot. Je suis ivre, mais c'est quand je suis ivre que j'ai toute ma tête. Je maintiens le mot, il est exact. Je n'étais pas dans ma chambre cette nuit. J'étais dans une autre chambre. Vous m'avez compris ? Comment ? Savez-vous bien ce que vous osez insinuer par là, monsieur ? Il me semble que c'est clair, ne me faites pas répéter un gros mot. Fort bien, monsieur. Vous avez au moins le mérite de la franchise. Je me doutais depuis longtemps que vous disposiez vos batteries. Nous nous battrons. Le temps matériel de faire venir 2 de mes amis. Faites vite, je veux que ce soit demain matin. À vos ordres, monsieur. J'ai la même hâte que vous. Monsieur ! Monsieur ? Pour que tout soit parfaitement régulier, giflez-moi. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Si, monsieur, si vous ne me giflez pas, je ne me bats pas. Mais puisque nous sommes décidés à la rencontre, monsieur, je vous laisse le choix des armes, si c'est cela qui vous inquiète. Je ne l'aurai que si vous me giflez, je connais les règles. Giflez-moi, monsieur, tout de suite. Tout de suite, bon Dieu, où je vous flanque mon verre au visage. Allons, puisque je vous le demande, et fort, je veux le sentir. Allons, allons, sale cocu, il le faut, je vous dis. Après tout, vous l'aurez voulu, grossier personnage. C'est absurde. Non. C'est très bien. Je choisis le pistolet. Évangeline. L'ORTF et la Comédie Française vous ont présenté La répétition ou l'amour puni, pièce de M. Jean Anouilh, avec le concours de M. François Chaumette, Héro, Bernard Dérand, Tigre, le Comte, Michel Etcheverry, M. Damien, Serge Maillat, le récitant, Jean-Noël Sissia, Villebosse, et Mesdemoiselles Hélène Perdrière, la Comtesse, Bérangère Dautin, Hortensia, et Catherine Salvia, Lucille. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat, collaboration technique Henri Duplessis, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Danielle Bajou, réalisation Jacques Régnier.